Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de Grand Prix. On est ensemble pour entre 2 et 4, 5, 6 heures, on verra un petit peu où ça nous mènera tout cela bien sûr, pour revenir donc sur le Grand Prix d'Italie Formule 1 qui s'est disputé du côté de Monza, qui a été remporté par Max Verstappen. Vous commencez à en avoir bien sûr l'habitude. Max Verstappen qui s'est donc imposé pour la 10e fois consécutive en Grand Prix. On peut aussi rajouter 3 sprints au total sur la saison. Et je me demande même si les sprints, il les a... Non, il les a pas gagnés dans sa période de victoire consécutive. Il me semble que le premier sprint... Ouais, il a gagné que 2 sprints. Il a gagné 2 sprints, gagné 2 sprints sur les 3. C'est vrai. Le premier, c'était Perez à Bakou. Mais donc depuis, bah, sinon, oui, il est sur 12 victoires consécutives quand même, quasiment le garçon. Mais bon, comptons que les Grands Prix, c'est déjà un bon point. Sergio Perez qui termine donc en deuxième position devant Carlos Sainz et Charles Leclerc. L'avantage, c'est que le long débat Ferrari arrivera tôt. Donc ça, c'est déjà quelque chose que vous pouvez vous réjouir. Dans le chat, si vous voulez vous coucher après Ferrari, vous pouvez vous coucher à 23h quand ce sera terminé. Ça va commencer à 21h. Bien sûr, George Russell et Lewis Hamilton qui finissent 5e et 6e devant Alexander Albon, Lando Norris, Fernando Alonso et Valtteri Bottas. Eh oui, une Alfa Romeo qui finit dans les points. Comme quoi, cette équipe dans les points. Tout est possible à Monza, le temple de la vitesse, bien sûr. À mes côtés, pour revenir sur ce Grand Prix, on retrouve notamment Paul. Comment ça va, Paul? Ça fait un bail. Ouais, bonsoir à tous. Bah, ça fait un bail, c'est vrai. J'étais pas là la semaine dernière, donc ça doit faire un... Depuis avant la trêve, donc ravi de vous retrouver après ma foi un beau Grand Prix. C'est vrai, comme tu l'as dit, le vainqueur est le même que d'habitude, mais il a quand même allé dû la chercher. Ça a fait plaisir de voir Ferrari en forme à domicile. C'était vraiment le bon moment pour offrir quelque chose et du spectacle. Ils l'ont fait. Donc voilà, si je devais noter un petit 4 sur 5 pour ce Grand Prix d'Italie qui quand même nous a bien divertis. Il y a eu du spectacle et on ne s'est pas ennuyé. C'est vrai que c'était dans les Grands Prix qu'on a eu récemment. On est sur clairement l'un des meilleurs. Hein, vraiment, je pense que c'était le meilleur Grand Prix depuis le retour de la pause. Mais on a peut-être eu les deux meilleurs Grands Prix de la saison, mais oui. L'air de rien. Ouais. Parce que je dis ça, mais on sait que c'était quand même fou. Hein. Zandvoort était très très bon. Monza très bon aussi. Donc non, on peut s'en réjouir. Monza sans condition. Allez dire Manu sans condition particulière. Mais bon, ça, le Grand Prix a quand même commencé. Bonne demi-heure de plus tard que prévu, en plus, donc c'était quand même assez particulier. Comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Bonsoir tout le monde. Effectivement, ouais, ça a été une course très sympathique. Voilà, on a pu voir pas mal de choses. Alors, c'est vrai que je crois que c'est dans le Racing Café la semaine dernière où tu avais dit que. Non, je ne sais plus quand c'était que tu avais dit qu'à Monza, les équipes se suivaient. Effectivement, on a vu quand même des performances très claires au niveau des trois premières équipes sur le déroulement de la course. Pour autant, on a quand même cette équipe dans les points et pas mal de bastons à tous les niveaux, puisqu'on a quand même eu, pendant une grande partie de la course, les trois leaders qui se tenaient en une seconde et demie. Donc, ce qui est à noter, puisque ça fait des très belles images, et un suspense dont on se plaint souvent qu'il est absent. Donc, globalement, c'était des très bonnes choses. Et c'est vrai que bah, finalement, sur une course d'une heure et quart, c'est pas mal. On voit aussi que des fois, il n'y a pas besoin que les courses durent deux heures et demie pour qu'elles soient bien. Et c'est un peu comme un bon film. Et voilà, donc c'était plutôt sympa. Il y a pas mal de choses à dire, évidemment, puisque tout le week-end a été un petit peu parsemé de diverses polémiques et autres incidents. Donc voilà, on est ensemble pour un petit moment. Alors, évidemment, sache que tu viens de dire le mot, Manu. Est-ce qu'on ne pourrait pas un jour, chez NextGen, à un moment donné, il faut y aller dans la galéjade, faites-vous plaisir. Est-ce que Paul ne pourrait pas interviewer Mick Schumacher un jour? Donc on est polémique réunis comme ça sur le ça, ça peut être quand même super sympa quoi. J'aimerais bien Rally 50 dit toutes les équipes étaient dans les points sauf une équipe française. Bah non, Rally 50 c'est compliqué quand t'as 7 équipes dans les points, 10 équipes de F1, 7 et 1 ça fait pas 10, donc c'est bien de taper sur Alpine, vous en faites pas, on en parlera tout à l'heure, mais quand même il manquait 3 équipes qui n'ont pas marqué de points ce week-end et il n'y avait pas 3 équipes françaises en F1. J'imaginais quel pied ce serait. 3 équipes françaises en F1, oh là là là là là. On ne saurait vraiment plus au-delà de la tête, ce serait merveilleux, mais non, on ne peut pas non plus complètement blâmer Alpine, même si vous verrez qu'on le fera quand même, vous en faites pas. Il y aura du blâme ce soir, hein, quand même, il y aura... Alors, c'est vrai qu'autant on a été dithyrambique à leur sujet à Zandvoort, où c'était très bien, autant ce week-end c'était très compliqué, mais on en parlera dans un... Bon moment quand même. Oui, ah bah pas tout de suite. Hein. On serait dans un Racing Café, on vous dirait, on vous en parlera demain. Hein. Très, très clairement, ici quand même, on aura fini bien avant minuit. Minuit, ne vous en faites pas. Mais 2h du matin, c'est ça, moi, du zéro à peu près. Hein. Les temps de passage, là on est sur Red Bull maintenant 20h40, Ferrari 21h20. Mercedes, 23h12. Enfin voilà, c'est vraiment des temps de passage qui sont purement indicatifs. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, rassurez-vous, c'est faux. On va quand même accélérer la cadence à un moment donné, parce que sinon, il y a des primes de nuit, tout ça, ça devient, non, ça devient vraiment compliqué en termes de paiement. Donc on va... À partir de 22h, ça coûte cher. Voilà, c'est un peu double et tout. Vous vous rendez pas compte, depuis qu'on a allongé les émissions de Grand Prix, ça devient insupportable. Maintenant, dites-vous que c'est peut-être pour ça qu'on les a allongées. Bah, depuis que la CGT est notre syndicat officiel, forcément, ça. Ah non, mais ça, c'est fou, ça, quand même. Ils se sont syndiqués, et moi, j'ai rien pu faire, rien vu venir, en plus. C'est vraiment, j'ai très, très grand dilettantisme de la part de la personne qui gère ces lives. Bon, bah, Red Bull, hein, c'est-à-dire que là, vraiment, cette saison, si vous mangez tôt, enfin, si vous mangez tard, plutôt, bah, vous allez louper Red Bull à chaque fois, avec une nouvelle victoire, un nouveau doublé, le sixième, si je ne dis pas de bêtises, cette saison, en tout cas, dans les Grands Prix. Un nouveau grand moment de... Ça, je veux juste, avant qu'on évoque de la course, je veux parler de l'après-course, mais moi, je trouve ça vraiment petit qu'à chaque opportunité, Red Bull et Mercedes fassent le tour d'honneur en duo, côte à côte, en histoire de bien montrer aux fans de Ferrari qui se sont fait humilier. Je trouve ça terrible. C'est Ferrari était juste derrière, donc c'était... Ah, mais c'était affreux, parce que tu voyais que Leclerc, il n'en pouvait plus, lui, il voulait juste dégommer tout ce qu'il pouvait. Il a essayé d'ailleurs juste avant de dégommer quelque chose qui bougeait particulièrement sur tout freinage. Qui bougeait beaucoup. Ouais. Mais franchement, non, c'est fou. Mais pour revenir sur la course en elle-même, Paul, quoi dire sur Max Verstappen, parce que il a réussi à mettre vraiment une rouste à Monza, ce qui est pas un circuit particulièrement compliqué, mais une fois qu'il a pris la tête, on l'a vraiment plus vu. Bah, c'est ça, en fait, le seul suspense, c'était en combien de tours il allait prendre la tête de la course. On se doutait, grâce à un rythme supérieur et surtout à une dégradation des pneus bien moindre que celle de la Ferrari de Sainz, que de toute façon, il allait finir par prendre la tête. Mais c'est vrai qu'il lui a quand même fallu 11 tours, si je ne dis pas de bêtises, pour passer la Ferrari. Et ensuite, effectivement... Oh, même 13-14, je crois. Plus ouais, même. Ça vraiment plus longtemps. C'est même plus que ça, ouais, vous avez raison. Et donc ça n'a pas été si facile. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a, il a pris son temps. J'avais un peu peur qu'il essaye dès le troisième ou quatrième tour d'y aller un peu à la Verstappen, quoi, en force, en essayant de sortir un peu la Ferrari. Ce n'est pas arrivé, donc je suis content de ça. Il a pris son temps, il a travaillé son dépassement, il savait qu'il avait plus de rythme. Et puis bah, voilà, ensuite, il a évidemment creusé l'écart. Alors, pas des écarts auxquels on a été habitué dernièrement. Il s'impose avec une dizaine de secondes d'avance, mais en gestion totale, en maîtrise totale, comme d'habitude. Et puis, bah, voilà, n'en déplaise à certains, il rentre encore un peu plus dans l'histoire avec une dixième victoire de suite. Et il n'y a rien à dire, c'est amplement mérité. Là, depuis la pause, il a vraiment pas eu des courses faciles. Alors, Zandvoort était encore plus dur que Monza pour lui. Mais là, c'est deux victoires qu'il allait chercher en piste en dépassant des concurrents. Donc, rien à dire, une maîtrise complète de Max qui mérite amplement son record, je le répète. Voilà. Non, en vrai, des courses faciles, on n'a pas eu tant que ça cette année. En fait, il les fait sembler faciles, mais tu regardes Miami, il part de la 9e place, il gagne. Monaco, il gagne Monaco sous la pluie. Il y a la Hongrie qui a un week-end compliqué niveau météo. Il y a le Canada qui a un week-end compliqué niveau météo, et à chaque fois, il gagne. Donc, c'est le souci avec Verstappen. Et on disait donc que le nombre de tours de Carlos Sainz en tête, il en a fait 14, ce qui lui permet de passer 3e au classement du nombre de tours parcourus en tête cette année, puisque nous avons un tour pour Piastri. 3 pour Alonso, 5 pour Norris, 6 pour Russell, 7 pour Hamilton, 12 pour Leclerc, 14 pour Sainz, 138 pour Perez et 661 pour Max Verstappen. Donc, ça fait 92% de mémoire de ce que j'ai vu pour Red Bull, ce qui n'est pas le... Non, 82%, non, 92%. Mais bon, c'est, voilà, c'est même pas le record, parce que McLaren avait fait pire en 88. Mais voilà, ça fait partie des statistiques complètement monstrueuses de cette saison. Puisque effectivement avec 14 tours menés par un autre concurrent, le Grand Prix d'Italie est devenu le Grand Prix le plus disputé de la saison. Mais voilà, effectivement, après, de toute façon, Verstappen, comme l'a dit Horner, Verstappen a vu la faiblesse de Sainz, qui était que quand il attaquait, il était obligé de faire une forte motricité en sortie de virage et donc d'assassiner les pneus arrière. Et bah, il l'a poussé jusqu'à ce que les pneus soient morts, et quand il a commencé à le voir glisser, il a encore plus poussé, et jusqu'à ce que Sainz commette une erreur et soit aidé par cette motricité. Donc c'était parfait, tout simplement. Il n'y a pas de chose. Alors, allez, pour faire une critique, Verstappen qui se plaint d'avoir été tassé hors piste. C'est trop. Je serais tenté de te dire, tu l'as fait pendant, ça fait 2 ans et demi que tu fais la même chose à tout le monde, donc au bout d'un moment, bah, c'est pas grave que ça t'arrive. Mais voilà, après, c'est vraiment pour dire, pour la petite critique, histoire qu'on puisse dire que je suis anti-Verstappen, mais sinon, il n'y a rien à dire sur lui, c'est absolument fou. Ah oh bah ça a été impeccable, hein, très clairement, non, il a été formidable. C'est vrai que, m'a dit aussi sur les réseaux, mais non, mais dit ça en blagueur, non, écoutez bien comment il dit That Was Naughty, il ne dit pas en genre rigolant, il trouve que c'était pas propre. C'est marrant. Verstappen ne rigole jamais au volant, à part les fois où il dit à Jean-Pierrot. Toutes les fois où il fait des blagues, mais oui, effectivement. Ouais, mais c'est rare, à part quand il dit à Jean-Pierrot, hydrate-toi, ou quand il dit je m'ennuie, ou je regarde les écrans, mais quand il parle de compétition, c'est jamais. On voit bien, justement, il s'énerve au moindre truc qui ne va pas, donc. Donc même quand on lui demande un mode moteur différent, il n'est pas content et tout ça. Donc c'était tout sauf une blague. Bah ouais, non, franchement, Verstappen, il était sérieux évidemment sur ce sujet-là. Il trouvait aussi que la Ferrari avait une grosse vitesse de pointe, ce qui est pas faux, hein, parce que Red Bull qui habite. Bah bon, en même temps, à Monza, le DRS n'apporte pas tant que ça, donc forcément le DRS va pas aider. J'avais vu une stat, enfin un statisticien, Sean Kelly, qui avait répondu, qui n'a rien à voir avec les lacs du Connemara ou le cycliste, hein, vraiment c'est rien de c'est pas du tout la même chose. Et bien surfeur aussi. Non, c'est Kelly Slater. Ah ouais, c'est effectivement, ça. C'est Kelly Slater. C'est pas, oh, ça va, il y a Kelly dans le nom, c'est pareil. Hein. Rien à voir avec la femme, voilà, la femme de Max Verstappen non plus, comme ça tout le monde est content. Rien à voir avec la fille de Nelson Piquet non plus, comme ça, comment ça, c'est la même personne. Mais j'ai beaucoup aimé. Donc, il avait en gros donc, montré la statistique dont tu parlais, Manu, avec le fait que donc, les 14 tours menés par Sainz sont le plus par un pilote qui n'est pas un pilote Red Bull. Et on lui répond, ah oui, donc tu es d'accord pour dire que c'est la saison la plus chiante de l'histoire de la F1, sans lutte ou quoi? Et il a répondu, ah, je pourrais dire que potentiellement, Jim Clark, qui marque le maximum des points possibles avec la meilleure voiture sur la grille en 1965, alors qu'en plus il rate le Grand Prix de Monaco pour aller gagner l'Indy 500 à la place, a été peut-être une saison aussi prévisible, mais il n'avait pas Twitter à l'époque. Et c'est pas totalement fou. Vrai. Totalement vrai. Quand les Jonas nous dit, je viens de regarder les cotes moyennes des paris sportifs et en parlant sur la victoire de Red Bull depuis le début de la saison, ça fait un rendement supérieur à 200% minimum. Ça fait réfléchir. Mais ça fait réfléchir à quoi? Et bien au fait que tu peux quand même gagner de l'argent. Si je comprends bien que même parier sur Red Bull, ça fait que ça rapporte gros, puisqu'au final, c'est des petites cotes, mais ils gagnent tout le temps. C'est ça, bah oui, effectivement, oui. C'est sûr que si t'as mis à un moment donné, ouais, mais si tu poses 1000 balles sur la saison, ce qu'on ne vous conseille pas de faire, hein, rassurez-vous, de parier encore une fois que de l'argent que vous pouvez dépenser. Mais oui, c'est sûr que. Après, si tu paries 1 euro sur la victoire de Verstappen à chaque fois, c'est du gain petit, si vous voulez. C'est 1,20€ à chaque fois. Voilà, c'est encore. Hein, maintenant, je pense que ça va être du 1,12€. Tu mets 100 000 euros, tu seras à 300 000 euros aujourd'hui. Et oui, alors ça, je tiens à vous le rappeler vraiment, mais c'est de manière très limpide, très simple, très calme, que je vous le dis. Si j'avais 100 000 euros à mettre sur des paris sportifs, ne vous en faites pas, les émissions auraient soit pas la même gueule, soit ne seraient pas là du tout. Ah, vraiment, si j'avais 100 000 euros à mettre sur un site de paris sportifs, vous l'auriez remarqué déjà. Vous auriez vraiment plus le voir dans la présentation de cette chaîne et dans la présentation de cet appartement, qui serait à la rigueur, ce serait la succursale de la succursale de la maison. Et... On aurait un plateau Racing Café. Oh là là là. Ah non, ouais, c'est le rêve. Moi, je suis désolé. C'est rien que pour pouvoir, tu vois, me mettre comme ceci. Et puis... Alors, je te regarde, Paul, qui ce serait pas bien. Manu, peut-être un avis. Oh là là là, je pourrais tourner et tout. Ce serait formidable. Je dois rester statique. Ça ne fonctionne pas. Le problème, c'est pas l'argent, c'est d'avoir les coronesses, dirons-nous, de le faire. Ah non, non, non. Non, non, ça, je te garantis que le problème, c'est l'argent. C'est l'argent. Dans ce cas précis. C'est vraiment l'argent. Parce que là, je les ai les couilles de mettre les 100 000 balles si c'est les tiens. Vraiment, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Mais si c'est les miens, là, il y a un problème de liquidité disponible. Merci Ray50 qui envoie 4 bits pour les paris sportifs, justement. C'est très gentil. Ils serviront peut-être aussi à acheter à manger, à acheter une voiture. Ah, voilà, on peut s'en servir pour des choses de la vie quotidienne, finalement. Laurentin nous dit, on a dit, ça c'est sûr, Red Bull perd la prochaine et tu auras des plaintes. Oh, encore une fois, ne pariez pas, hein, arrêtez, hein. Laissez, je vous vois ouvrir des comptes sur les paris sportifs. Là. Non, stop. Vous vous arrêtez. Reposez cette carte de crédit, s'il vous plaît. Passe ton rhume, je te prête les 100K. Arrête, ça s'est déjà passé sur ce stream. Hein. On a déjà eu des trucs, je ne sais plus, on commentait, je ne sais plus quel truc. Là, à un moment donné. Ah, si machin gagne, je vous file à tous 10 balles. Eh ben, la personne s'est vite carapatée quand le bidule a gagné. Là. Donc attention. Attention, parce que Internet n'oublie jamais. Et moi, j'ai déjà toutes tes informations là sur mon compte parce que voilà, moi, je suis directement branché sur Twitch et j'ai tout. Jeff Bezos m'envoie toutes vos informations en temps réel. Sergio Perez. Sergio Perez. Sergio Perez. Mmh. Là, j'ai pas grand-chose à dire hein, pour une fois sur lui. Là, c'est short. À part la bagarre avec Russell, ouais, qui était quand même pas. La bagarre avec Russell, il met du temps à dépasser. Russell lui pose des freinages. Encore une fois, je veux pas présumer quoi que ce soit, mais je pense que Verstappen était à sa place. Russell faisait pas trois tours, quoi. Alors Russell fait après, des gros freinages. Enfin, Verstappen, bon, il met beaucoup de temps à dépasser le Sainz, mais la Ferrari a une meilleure vitesse de pointe, donc. C'est un avion de chasse. Et franchement. Alors oui, je vois que Russell est en plus d'appui, il pouvait freiner tard, mais normalement, du coup, s'il freinait tard, il avait quand même moins de motricité, ou en tout cas moins de vitesse de pointe dans tous les cas. Donc, je pense que Pérez avait la possibilité de le dépasser de manière un peu plus futée, parce que je suis pas sûr que dans la chicane, la Mercedes passait beaucoup plus vite. Donc, oui, il freinait très tard, mais dans tous les cas, je pense que Pérez s'est entêté à passer tenter l'extérieur à chaque fois. Mais à chaque fois en se faisant avoir au freinage, donc au bout d'un moment il aurait dû tenter autre chose, mais bon, peu importe, il est quand même passé, il finit quand même deuxième, c'est bien, mais pour du Monza c'est loin quoi, il prend beaucoup de secondes en course, il prend 4 places sur la grille, 3 places sur la grille par rapport à Verstappen, c'est beaucoup encore quoi, donc bon, c'est ça, c'est pas le pire des duos, mais c'est pas génial. C'est ça en fait, c'est toujours pareil avec Pérez, il est tellement moyen le samedi en fait qu'il ne se donne pas les chances de briller en course, parce qu'en course encore une fois il est bon, mais il n'est pas aussi bon que Verstappen, c'est-à-dire qu'il reste bloqué beaucoup plus longtemps derrière les concurrents que n'a fait son coéquipier, mais sa course est bonne, le problème c'est que comme tu l'as dit Manu, il se qualifie seulement cinquième, alors il n'est pas largué au niveau du chrono, mais il doit se qualifier au moins devant la Mercedes, c'est-à-dire qu'avec la Red Bull ce week-end c'était top 4 minimum, et encore une fois il n'est pas totalement au niveau, même s'il a été moins largué cette fois-ci que sur d'autres courses. Donc voilà, c'est une deuxième place voilà, sans éclat, on va dire, qui est logique, obtenue en plus en fin de Grand Prix, là où si c'était un peu mieux qualifié, il aurait pu être en deuxième place dès la mi-course, même s'il a vu des Ferrari à dépasser. Comme le dit Gaëtan, effectivement, pour une fois qu'il fit deuxième, on ne va pas lui jeter la pierre, parce qu'il a quand même réussi à passer les deux Ferrari, ce qui n'était pas facile, hein, franchement. Mais c'est pas facile, oui, après c'est... Il a fait la même technique que Leclerc, il a attendu que Verstappen, il a attendu qu'il y ait des pneus qui sont un peu fatigués. Après, voilà, même en qualif, il prend 4 dixièmes quand même, c'est beaucoup. Ouais. Hein, à Monza, c'est vraiment beaucoup. Sur un tour où tu as 70% de pleine charge. Oui, mais c'est pas le seul qui a pris une valise ce week-end. Non, mais il y a eu des duos qui étaient beaucoup plus serrés que ça. Et c'est vrai que c'est pas le seul qui prend une valise. Hein. Mais une valise à 4 dixièmes, il n'y en a quand même pas énormément. Bon, je ne parle pas de Stroll, mais après... Non, je veux dire, il y a Sargent qui en prend une énorme aussi, mais... Ouais, 7 dixièmes, Sargent, il prend, ouais. Alors, ça, quand je dis qu'il soit à une seconde ou à 10, il marque autant de points. Oui, tactiquement et techniquement, oui, c'est totalement vrai. Mais tu ne peux pas t'empêcher de dire qu'en fait, tu marques autant de points, oui, si tu finis. Mais tu prends des risques de ne pas finir. Parce que Red Bull a beaucoup d'avance. En fait, on voit qu'en course, Red Bull a beaucoup d'avance parce qu'ils finissent à une seconde ou 10 secondes, il est deuxième. Mais en qualif, Red Bull a moins d'avance, qu'ils finissent à 3. Enfin, quand il est à 4 dixièmes, et ben, il n'est pas deuxième, il est cinquième. Quoi. Donc, et encore, c'est à Monza. J'ai peur que sur un circuit comme Singapour. Après, Singapour, ce n'est pas toujours le terrain le terrain préféré de Verstappen. Mais si Verstappen fait un week-end comme ça à Singapour, j'ai peur que l'écart soit énorme, ou même à Suzuka, où là, Verstappen est monstrueux. On aurait un 7 dixièmes d'écart en qualif que je serais pas étonné, et ça serait colossal. Donc c'est quand même pas rassurant. Il a dit lui-même qu'il est sous pression, hein. Toutes les rumeurs d'Helmut Marko qui ont été démenties par Christian Horner, c'est Sergio Pérez qui est venu leur mettre une couche en disant oui, effectivement j'ai un contrat mais j'ai pas forcément de baquet. Donc on se rappelle qu'il a un contrat Red Bull Motorsport, ce qui ne garantit pas un baquet Red Bull Racing, puisque Red Bull, avec les contrats Red Bull Motorsport, a le droit de vie et de mort sur les pilotes selon s'ils seront chez Red Bull ou AlphaTauri. Donc Pérez pourrait à tout moment être rétrogradé, on n'y croit évidemment pas trop, parce que en face, les solutions, c'est Tsunoda, Lawson, Ricciardo. Lawson, on n'a encore rien vu de lui, Ricciardo, le retour est quand même compliqué, plus sa blessure, et Tsunoda, finalement, pour moi, serait le meilleur candidat à mettre à la place de Pérez. On pourrait voir au moins s'il arrive à franchir un niveau et à avoir ce petit truc en plus, mais voilà, bon, ça reste... Mais c'est encore court et rien prouvé pour l'instant, je suis d'accord. Moi, après, bon, de toute façon, Red Bull a quand même... Dans toute l'histoire de son équipe, Red Bull a mis plus de pilotes qui n'avaient rien prouvé que de pilotes qui avaient prouvé quelque chose. Donc l'arrivée de Tsunoda n'est pas impossible. Mais dans l'idée, pour moi, Pérez fait le meilleur taf qu'un pilote de Red Bull Motorsport puisse faire aujourd'hui. Donc, On rappelle, Red Bull Motorsport, alors l'avantage pour lui, c'est qu'en MotoGP, c'est bouché. Donc ils ne peuvent pas aller le transporter chez KTM MotoGP. Donc c'est une bonne... Qu'est-ce que ça vaut ? Red Bull Air Race. Oui, est-ce que ça existe encore, ça, les Red Bull Air Race ? À un moment, ils avaient arrêté. Ils avaient dit stop. On arrête la saison. Donc je ne sais pas si ça a repris depuis. C'est possible. Hein. Moi, je n'ai pas, tout suivi, donc je m'en. Ouais, ça. Non, oula. Là, sur le site, il te propose toutes les courses de la saison 2018. C'est inquiétant. Ah, je pensais que Mais il m'a semblé voir que c'était, ouais, c'était parti en carafe. Le point JQ dit, une fois assuré d'être premier au championnat, Verstappen doit-il vraiment courir les 4 ou 6 dernières courses? Bah, c'est-à-dire que s'il est assuré d'être champion du monde, non, il ne doit pas les courir. C'est le principe d'être assuré d'être champion du monde. Va-t-il les courir? Évidemment. Va-t-il les gagner? Probablement. Ouais, il veut le record. Après, ce serait étonnant de voir si comme l'an dernier, il continue à un niveau monstrueux ou s'il finit par avoir cette espèce de baisse de performance qu'on a vu déjà chez plusieurs pilotes. Qui domine parce que finalement, moi je pense que même s'il a la baisse de performance, en fait il gagne quand même, donc c'est un peu embêtant. Ah, puis moi je vois pas baisser le pied, hein. c'est pas quelqu'un qui se lasse de sa domination, hein. C'est pas le genre, si hein. Ça peut donner l'impression parfois. Je pense qu'il est très content de mettre des pilules à tout le monde, ça lui va très bien, oui, je pense aussi. Non, mais c'est plutôt qu'on l'a vu chez Hamilton et chez Schumacher avant, c'est à dire que les pilotes ont quand même un moment où ils peuvent, sous une saison comme ça, ils peuvent déconnecter. Après, bon. Je pense que la saison n'a pas été des plus mentalement fatigantes pour Verstappen. Donc... Non. C'est vrai que tu as raison. Qui se rappelle que Red Bull a une pénalité de développement en début de saison? Mais le problème, c'est qu'il ne la développe pas tant que ça, la voiture. Hein. Non, et on s'en rappellera sûrement plus l'an prochain aussi, parce que du coup, eux vont continuer à avoir une évolution de la Red Bull RB18, là où les autres auront des nouvelles voitures et tout, et ça pourrait... après, je ne dis pas que ce serait pas... Enfin, encore une fois, la voiture est super saine, mais ils n'ont pas une avance énorme. Et si les autres arrivent à faire une voiture saine partout, en fait, Red Bull n'aura plus son avantage. Son avantage, aujourd'hui, il n'est pas en performance, il est sur la gestion, sur l'économie, sur ce genre de choses. Et une fois que les autres équipes auront ça aussi, il n'y a personne qui ait une voiture complète, en fait. Mais en perf pure, on voit que bon, Red Bull est un cran au-dessus, mais un tout petit cran. Et encore une fois, c'est Verstappen qui a un cran au-dessus. Perez, il est quand même régulièrement... il a fait 5 éliminations avant la Q3 de suite. Là, il est 5e. Au Grand Prix d'avant, il est 7e, je crois. Ou c'était en Belgique, il fait 9e. C'est pas terrible les qualifications de Perez, donc l'assurance vie de Red Bull aujourd'hui, c'est pas la RB19, c'est Verstappen, hein. Donc pour moi, la pénalité de développement pourrait se payer quand même l'an prochain. Ce sera pas, ils vont pas devenir 7e force du plateau l'an prochain, mais l'an prochain ils auront sûrement plus de concurrence de Mercedes, de McLaren, d'Aston Martin et de Ferrari, ça c'est certain. On l'espère en tout cas. On vous le vend, mais on l'espère surtout. Parce que... Moi, je le vends de bonne foi parce que je pense vraiment, honnêtement. Ou alors, ils sont juste trop forts. Mais auquel cas, ça veut dire que c'est niveau facile. Mais grâce à. Enfin, après, ça peut être grâce au département technique qui est monstrueux. Mais quand même, j'ai du mal à y croire parce que vraiment, ils ont quand même 60% du développement d'Aston Martin quasiment. Exoane, ce qu'il vous dit, c'est quoi l'histoire de Jean-Pierre Olambiase qui a eu peur de la fiabilité à la fin? Bah, simplement, ils ont eu peur de la fiabilité. Verstappen a perdu 7 secondes en fin de Grand Prix. Donc, Ouais. Ils ont eu un problème. Franck m'a envoyé le truc dimanche soir, mais je ne sais plus. Ils ont eu un petit souci, une alerte, et du coup, Verstappen a roulé très lentement pour ne pas casser la voiture, en fait. Mais effectivement, si cette alerte-là arrive beaucoup plus tôt en course, ça peut finir par une casse. Donc, encore une fois, c'est. C'est sûr. Merci, Franck. Encore une fois, c'est. C'est, comment dire, tout va bien chez Red Bull, mais c'est pas, il n'y a rien qui est acquis, et c'est vrai que les courses qu'on a l'impression qu'elles sont faciles, ne le sont pas. C'est ça le truc. On a Olivier sur le chat YouTube qui nous dit, à ce sujet, l'audit de 2022 est prévu à quelle date? La FIA avait annoncé beaucoup plus tôt que l'an dernier. On reste cependant dans le même planning, non? Ça a été annoncé aujourd'hui, on vous en parle fin. On en parle tout à l'heure. Mais ça a été annoncé, ça vous... N'êtes pas des fidèles de Next Gen Auto, ça, c'en est pas correct, ça. Si vous étiez sur Next Gen Auto, vous l'auriez su. Donc, c'était important de savoir tout ça. Xoan qui demande s'ils sont bien en quota moteur Red Bull. Bah, Verstappen, c'est déjà. Enfin, non, ils n'étaient pas pris une pénalité à Miami, mais de toute façon, Verstappen, s'il prend 10 places sur la grille, c'est pas grave. Il y a pris une pénalité à Spa, non? Il va gagner à Spa? Oui. Et à Spa, il part 6e. Oui, il gagne, il écrase la concurrence, mais il part 6e à Spa. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est Perez qui part devant, c'est vrai. Comment t'expliquer? Ah oui. Bah oui, c'est-à-dire que quand le monsieur est deuxième au troisième tour, c'est compliqué de... Bah oui, mais bon. Oui, effectivement, il a passé Perez pendant le Grand Prix, donc c'est qu'il y a eu un souci. Ouais, c'est ça, sixième en Belgique, il part. Il part aussi neuvième à Miami et quinzième à Jeddah. Mais neuvième à Miami pour faute, enfin pour erreur... Pour mauvais tour. Ouais. Pour mauvais tour et 15e à Jeddah pour casse en qualif. Mais voilà, il n'y a pas eu de. Il y a eu une pénalité déjà, entre guillemets, moteur, en tout cas pénalité mécanique. Ce que je voulais dire, c'est que malgré le fait qu'il ait fait 12 fois premier et 2 fois deuxième, il est quand même parti plus loin des fois. Ça va. Ça va. S'il vous plaît. On dit faites-le partir des stands, au moins on aura du spectacle. Mais je sais même pas s'il va, s'il serait capable de ne pas gagner. Est-ce qu'il faut rappeler que l'an dernier, en Belgique, quand même, il part 14e. Mais oui. Il part 14e, il gagne le Grand Prix. Donc à un moment donné. 14e, et au 12e tour, il est en tête. Oui, c'est ça surtout. C'est qu'à un quart de la course, il est déjà devant. Quoi. Ouais, au 8e tour, il est 3e. Au 12e tour, il est en tête. Donc, bon. Au 8e tour, il est 3e. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est pareil, c'est en Hongrie l'an dernier. Il part 10e. Et il remonte 4e au quart de la course et il gagne. Donc, en Hongrie, tu vois. Non, mais c'est hallucinant. C'est un vrai problème ce talent à ce niveau-là. C'est ce qui fait vraiment absolument impressionnant et il faut le souligner. Alors, comme Jones veut aussi qu'on souligne effectivement le fait que personne ne soit percuté au départ, mais ça, ça commence à être un petit peu l'habitude aussi à Monza. C'est rare les incidents pour les virages, mais la personne n'a coupé la chicane, ce qui est quand même très rare. Mais globalement, moi je trouve que sur les fers modernes, on a très peu d'accrochages dans les premiers virages. C'est quand même très propre. Cette année en particulier, il n'y a quasiment rien eu. Quoi. J'ai pas le souvenir du moindre incident, ou en tout cas rien de marquant. Ça souligne aussi le niveau du plateau, comme on le dit souvent, qui est peut-être meilleur que jamais en F1. Exactement. Titram nous dit, si par des stands, il y a un crash au départ, genre Hongrie 2021, il est en tête au quatrième tour. C'est possible aussi, ça. C'est pas... Il évite l'accident en se faufilant dans la sortie de pitlane et voilà. En tout cas, pour Red Bull, bravo. Hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on le dise? Vraiment, ils sont excellents. Ils seront évidemment champions du monde dans les 2-3 Grands Prix qui viennent, j'imagine. Et Max Verstappen, on commencera tout doucement à l'imaginer. On rappelle que le Max Verstappen champion du monde lors du sprint du Qatar est de plus en plus possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on attend avec une impatience non feinte. Pas autant qu'un pilote MotoGP champion du monde à un sprint de Grand Prix d'Indonésie ou un truc comme ça, samedi matin. Oui, à 8h du mat le samedi, ça va piquer quand même. Hein. Quel dommage qu'il n'y ait pas de sprint à Suzuka. Franchement, s'il est sacré sur un sprint, il n'aura quand même pas eu de chance à chaque fois sur ses célébrations de titre. Parce que bon, 2021, on connaît l'histoire, on ne va pas la répéter. 2022, on n'a pas su jusqu'à la dernière seconde s'il avait marqué tous les points ou pas. Alors là, s'il est sur un sprint, il est maudit le garçon. Il l'apprend dans le parc fermé en 2022. Ouais, c'est ça. Il l'apprend. C'est Tony Herbert qui lui annonce. C'est le plus dur. Et après, il le fera asseoir sur un fauteuil hyper moche en plus. Mais de toutes les manières de gagner un titre, c'est quand même Johnny Herbert qui fait yeah Max, very good, world champion. Non mais ferme là, des confettis, une fanfare, un truc au moins, je sais pas, je suis champion du monde, pas juste Johnny Herbert qui dit ça. D'ailleurs ça fait un bail qu'on a pas vu Johnny Herbert sur les Grands Prix, j'ai l'impression. Non, il est plus dans l'équipe. C'est vrai, il a perdu sa place dans l'équipe Sky Sports. Vinel a raison, c'est le fauteuil de tout le monde de prendre sa place. Mais oui, mais ça fait 15 fois qu'on vous souligne. Moi, j'aurais réclamé. Le champion reste champion d'ailleurs. Le champion reste tout à fait champion. Et attention, pas encore fini. Le challenger peut encore remonter. Ça paraît relativement compromis. Ils sont encore 3 à pouvoir le battre. Ouais. Après Hamilton, c'est fini par contre. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà, c'est qu'ils sont plus que 4 pour être champion du monde. Ouais, à 8 courses de la fin, c'est... Verstappen, Perez, Alonso et Hamilton, les autres ne peuvent plus être champions, déjà. En même temps, entre Hamilton et Sainz, il y a quand même 50 points d'écart, donc oui, c'est pas complètement déconnant. Mais en gros, Hamilton et Alonso, pour ce Grand Prix, ils sont plus dans la course. Ah oui, ils seront hauts, très clairement. Mais attention, donc, du coup, Perez est toujours là. Et Perez peut donc devenir... On a encore la possibilité, cette année, d'avoir un nouveau champion du monde. voilà, on ne sait jamais... Rallye 50 au monde, il peut être champion quand? En Autriche? Non, c'est à partir du Japon, je crois. Il me semble que c'est à partir du Japon. Singapour, il ne pourra pas, mais le Japon, à mon avis, ça commencerait à être possible. Et puis sinon, le Qatar risque de commencer. Si de toute façon, on commence à imaginer le titre au sprint du Qatar, c'est qu'il peut largement l'être pendant le Grand Prix. Là, on va commencer. Et je pense que s'il ne l'est pas, les États-Unis, ce sera plié quoi qu'il arrive. Ce qui ne sera qu'à 4 Grands Prix de la fin. Avec une saison pareille, c'est quand même surprenant d'imaginer qu'il ne resterait encore que 4 Grands Prix après le titre. Merci à Sena numéro 1 qui nous dit « Vous êtes des suceurs de Verstappen ». Non, non. Non, plutôt des glaces en général, des Magnum, j'apprécie, ou des Cornetto. Merci pour ta gentillesse. Merci pour ta franchise et ta sympathie, en tout cas, légendaire. Et on peut dire grand-père. On peut dire bonsoir. D'habitude, on le reproche l'inverse. Donc là, c'est vrai. Mais c'est, oui, c'est ça que j'ai dit. Voilà, et vous avez Internet en 15 secondes. D'habitude, c'est vous êtes quand même des connards. À un moment, ça vous ferait chier de dire que Verstappen n'est pas mauvais. Et là, c'est de toute façon, hein, Verstappen, oh là là là là, c'est des suceurs. Arrêtez. Arrêtez. Ça compte moi, je m'attends qu'on peut quand même dire bonsoir avant de traiter les gens de suceurs. Mais bon, après, oui, ça, ça reste la moindre des choses. Bonsoir. N'empêche pas la politesse. Parce que le problème, c'est qu'après, on va nous dire pareil sur. Science, donc non, moi je suis pas. Non, il y a peu de chance. Ah, peut-être pas. Hein. Bon, bah écoutez, découvrons cela avec Ferrari. Écoutez, la pole à Monza, troisième et quatrième Monza, c'est bien. Week-end parfait pour la Scuderia. Il ne s'est rien passé de difficile, rien de d'étonnant en course, pas de grosse bagarre, pas de. Non, mais à un moment donné, les deux là, c'est plus possible. Un arrêt sous les 2 secondes et demie. Oui, 2 secondes 3 pour Leclerc, ça, ça c'était et, la grosse cote. 3 secondes 3 pour Sainz, c'était le pire arrêt, c'est pas mal. Oui, 3 secondes 3 reste relativement médiocre. mais pour eux, ça. Je crois que c'est parce qu'il doit laisser passer la Mercedes surtout. Je crois que c'est pour ça que l'arrêt est long. Ah, c'est bien parce possible. Russell rentre au même moment et du coup, il perd un peu de temps. C'est le stand juste après. Donc il me semble qu'il perd, à mon avis, une bonne demi-seconde là-dedans. Ouais. Mais sinon, moi je suis désolé. C'est, alors c'est... déjà oui, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse sur le dossier. Qu'est-ce que fait que Sainz samedi en qualif? Il glande dans une courbe rapide quand une AlphaTauri arrive. C'était bien lui, on m'a dit plusieurs fois, c'était Leclerc. Non, j'ai vérifié, c'est bien le numéro 55. Et ensuite, il voit Piastri, enfin il sort des stands et il coupe la chicane devant Piastri, et ensuite Piastri le touche, et ensuite il se plaint d'avoir été touché par Piastri, qui, d'après lui, l'a fait exprès. Bon, pourquoi pas. Mais encore une fois, ça fait quand même deux incidents supplémentaires durant lesquels on a un Carlos Sainz qui fait le seul en piste. Donc voilà. Après, j'ai rien à dire sur ses performances au week-end, c'est très bien, au niveau du comportement en piste, c'est pas la même. Non, mais moi je suis désolé, je vais être beaucoup plus franc. La bagarre de fin de Grand Prix, c'est brouillon. On a beau dire ce qu'on veut, machin, les pilotes de F1 sont très bons, tout ça, mais les deux, dans les deux Ferrari à ce moment-là, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Alors effectivement, le fait que la Ferrari de devant zigzague 9 fois avant de prendre une zone de freinage peut-être donner à la Ferrari derrière des difficultés pour freiner correctement, mais même Leclerc, il n'est pas exempt de tout reproche, et franchement, les deux, pour moi, ça ne va pas du tout. Bah, les deux débranchent le cerveau, et Vasseur, il a dit lui-même qu'il a eu peur. Il était content de les avoir laissés faire, mais il a eu peur, donc... Moi, je suis honnêtement surpris qu'il n'y ait pas une consigne, parce que là, pour le coup, elle aurait été... Il y a eu une consigne. No risk, no risk. Ça veut dire quoi, no risk? Lando no risk. Lando no risk, hein, tout à fait, déjà, mais il est dans une voiture. Mais no risk, dit-il, alors qu'on voit Leclerc qui, au tour d'après, du coup, bloque les quatre roues, machin, les panaches de fou. Enfin, c'est... Mais surtout que franchement, enfin, c'est un, presque injuste un peu pour Sainz, en plus de se faire attaquer de la sorte par Leclerc. C'est quand même lui qui a tenu tout le Grand Prix, les deux Red Bull. Il a fait un travail monstrueux quand même pour résister. Il a forcément endommagé plus ses pneus. Derrière, je trouve ça un peu dur qu'on laisse Leclerc, qui a des pneus évidemment bien meilleurs, le poursuivre. Bon, ça s'unit bien, donc c'est super. Mais alors franchement, c'est vrai qu'il n'y avait pas de confiance. Quoi. Ça aurait pu mal finir, c'était pareil. Quoi. C'était, mmh. Et en fait, bah, c'est ça. Et à 350 km/h, qu'on ne vienne pas me dire qu'ils étaient en totale maîtrise de ce qu'ils faisaient, c'est purement de la manœuvre. Il y en a un qui zigzague, l'autre qui évite. Enfin, c'est n'importe quoi. Après, effectivement, ça, de toute façon, c'est son problème. Non seulement il avait cramé les pneus un peu plus, mais en résistant, mais quoi qu'il arrive... Il a toujours les pneus plus fatigués que Leclerc en fin de relais. Ouais. Donc, cette situation se reproduire. Sainz est rapide en ce moment. Là-dessus, je ne peux pas lui enlever. Il est rapide en ce moment. Il est parfois devant Leclerc en perf pure sur les dernières courses. Et si ça continue comme ça, il sera devant en... Parce que généralement, on voyait en début de relais souvent Sainz qui était très pressant derrière Leclerc. Et en fait, c'est parce qu'il tape dans ses pneus. Et là, on pourrait avoir cette situation dans laquelle Leclerc est derrière puisqu'il est un petit peu plus lent en performance pure. Mais repasse devant en fin de relais et se retrouve bloqué derrière son équipier. Et pour moi, on n'est pas du tout à l'abri qu'un accrochage arrive avant la fin de saison. On a encore beaucoup de circuits urbains, on a beaucoup de circuits étroits. Qu'on vienne pas me faire croire que l'ambiance est bonne chez Ferrari. Là, tout le monde était content parce que c'était un grand prix d'Italie, mais tu fais la même chose à Singapour, il n'y a pas l'enjeu des tifosi, il n'y a pas la ferveur, ils ne sont pas sous les hurrahs après la course. Je pense que ça finit dans le bureau de Vasseur avec une engueulade pour chacun. Je suis 100% d'accord avec toi, Manu. Si c'est pas Monza, Et si par malheur Leclerc finit par passer Sainz dans le dernier tour, mais ça explose, ouais. Ça explose par médias. Oui, ça se passe pas bien en fait, parce que. C'est. Ouais. Mais de toute façon, on voit bien, hein, la relation entre les deux pilotes, elle est quand même plus qu'elle a été au début. C'est beaucoup plus froid, beaucoup plus distant. Bon, il faut aussi dire que voilà, l'équipe a été en difficulté, donc je pense que ça aide pas pour le, on va dire pour l'ambiance générale, mais on voit quand même entre les deux pilotes que c'est pas l'amour fou, quoi. Ça, c'est certain. Ouais. Donc ouais, je suis d'accord. Si c'est pas Monza et si Sainz parvient pas à garder de justesse sa troisième place, ça peut vraiment péter, ouais. Ouais, non, moi je suis assez. C'est quand même compliqué. On nous dit effectivement, c'était pas juste Norris, c'était Norris, Ray Stidian. Donc on leur dit quand même. Enfin, on dit. Enfin, c'est encore une fois une preuve. Bon, je suis désolé, on est sur le. On n'est pas sur le hype train de Xavier Marcos ici, hein, c'est un peu compliqué. Mais le mec, je lui dis une consigne qui est ne prends pas de risque, mais battez-vous jusqu'à la fin. Oui, d'accord, mais est-ce que vous pourriez être clair? Est-ce qu'on me demande de rester derrière? Est-ce qu'on me demande de pouvoir nous battre? Est-ce qu'on dit battez-vous, mais en restant propre? Mais d'un autre côté, c'est très compliqué parce que Leclerc peut vouloir amener toute la propreté du monde. Si Sainz fait un mauvais mouvement, bah, du coup, il s'accroche et. Enfin, c'est difficile. On me dit parce qu'il existe le hype train Xavier. Écoute, il est encore là alors que ça fait 5 ans ou je sais pas combien qu'il est. Et un G course à Scuderia Ferrari, c'est que oui, il y a un hype train chez eux. Déjà, c'est pas mal. Oui, effectivement, je sais plusieurs fois qu'on en parle, mais il y a la maman de Carlos Sainz qui a liké un truc sur un post où c'était marqué pas d'honneur sur Leclerc et tout, et elle a liké, donc du coup. Est-ce que c'est le dire de Koh-Lanta qu'il a écrit le post et t'as dit Charles Leclerc, pas de dignité, pas d'honneur. Est-ce que c'était ça ou alors. Non, mais j'ai vu ça, mais allons-nous vraiment tomber aussi bas qu'aller chercher des likes de machin et tout? Charles Leclerc a liké un post où c'est marqué honneur avec une photo de lui qui lève un trophée. Mais moi, depuis l'intervention de la maman d'Oscar Piastri, quand il est monté sur une moto sur Twitter, je regarde les Twitter des mamans de pilotes parce que c'est très marrant. Oui, mais c'était ouais, ça c'était formidable. Il a ordonné de descendre de la moto, c'est très mignon. Monsieur, bon jeune homme. Avec son nom complet en plus, c'était ouais, c'est prodigieux. Ça montre un peu quand même ce qui est devenu Ferrari, malheureusement. Alors, je vais être un peu extrême, mais ça fait un peu équipe bisounours en fait. C'est bon, bah voilà, on va risquer en gros 27 points parce qu'il faut faire plaisir au public, parce qu'on est Ferrari, parce qu'il faut faire du spectacle. Non, je suis désolé, il y a 10-15 ans, quand Ferrari était une équipe qui gagne, qui était huilée pour gagner. Ça aurait été moins romantique, mais on aurait figé les positions, ça aurait été très clair, on marque les points au championnat, ultra important au championnat constructeur, parce que ça permet de repasser devant Aston Martin F1, mais encore une fois, s'il y a un accrochage, c'est 0 points, et la deuxième place, pour le coup, elle est totalement perdue, alors que là, ça a permis aussi de reculer un peu à Mercedes. Franchement, on était à deux doigts du désastre sur 2 ou 3 séquences, ça fait pas professionnel en fait, ça fait pas sérieux, et quand on est la Scuderia Ferrari, on peut pas se permettre ça, même à domicile, de risquer de mettre à la poubelle un excellent résultat, parce que c'est leur meilleure course de l'année, et ça a vraiment, vraiment failli de mal se finir, quoi. Et moi, je maintiens que, en fait, cette bonne humeur à la fin, elle est circonstancielle, c'est-à-dire Sainz est content parce qu'il a eu son podium, Leclerc joue le mec content parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'est pas passé loin d'harponner son équipier, et du coup, il se dit, je vais faire profil bas, je vais rien dire parce que j'en ai déjà fait assez, et Vasseur est content parce que sa stratégie de les laisser se battre a payé. Mais tu rajoutes un grain de poussière dans cet engrenage-là, ça finit en guerre civile. Je veux dire, ça finit avec les tifosi qui viennent brûler le motorhome pendant que les autres s'échappent devant. Donc, au bout d'un moment, on est quand même sur un. On est passé près d'un carnage chez Ferrari. C'est tombé la pièce, c'est tombé du bon côté, tant mieux. Mais je pense que ça n'aura rien arrangé. Je ne suis pas sûr que le débrief ait eu lieu dans une très bonne ambiance, ou en tout cas, je ne suis pas sûr qu'ils vont arriver à Singapour avec la plus grande des sérénités, d'autant que là-bas, la voiture devrait fonctionner beaucoup moins bien. Et ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, voilà. C'est tant mieux pour eux, parce que finalement, leur plus beau Grand Prix de l'année a quand même été à domicile, et ça, c'est chouette pour eux. Encore une fois, toutes les équipes méritent de briller devant leur public, parce que vraiment, on voyait que Sainz et Leclerc étaient touchés par la ferveur populaire à la fin des séances. Ça, c'était chouette. Ça fait grand plaisir de les voir briller et de voir les tifosi contents, parce que mine de rien, c'est vrai qu'il y a quand même une ambiance particulière à Monza. Pour autant, c'est un arbre, mais il ne faut pas qu'il cache la forêt. On dit c'est paradoxal, car vous dites qu'il n'y a pas eu de grabuge pendant le Grand Prix. Alors non. Durant le premier tour, s'il vous plaît. On a dit que le premier tour n'a pas eu de grabuge. Le reste du Grand Prix, c'était brouillon à plein des égards. Et il n'y a pas eu grabuge dans le sens où il n'y a pas eu d'accrochage. Mais c'est comment dire, ils sont restés du côté du bon côté de la barrière de la raison. Quoi. Mais du coup, Daturama termine en disant, vous dites donc qu'il n'y a pas eu de grabuge durant le Grand Prix et que le plateau est fort et vous craignez un crash. Vous craigniez à l'époque donc un crash des deux Ferrari. Oui, mais je vois pas en quoi c'est. Enfin. Même si ce sont les meilleurs pilotes du monde, il y aura des accrochages à un moment donné. Et on a aussi dit, enfin, je pense que là on nous fait un drôle de procès. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'accrochage au premier virage que les deux Ferrari n'ont pas roulé comme des cons en fin de course. Vous voyez la différence entre départ de Russell et Hamilton, on en parlera tout à l'heure, mais il y a eu plein de petites choses. Voilà. D'ailleurs, c'est con, mais heureusement, j'ai un niveau Hamilton. Leclerc qui pousse aussi Perez quand même, hein. Ça c'est encore quelque chose. Moi je suis désolé, Leclerc il nous sert maintenant ce qui est sa spéciale à Monza, à la deuxième chicane, et il n'est jamais inquiété par les commissaires. C'est le moment, je ne savais pas qu'on parlait des commissaires. Il va falloir que les commissaires relisent le règlement et l'apprennent, parce que on ne peut pas, alors déjà quand même quand il y a deux actions similaires et qu'ils ne mettent pas la même pénalité, je parle de Piastri-Hamilton et de Hamilton-Piastri et de Leclerc-Perez, c'est la même action copier-coller. Il y en a juste un qui a de la casse, l'autre pas, et c'est la seule différence pour laquelle il ne met pas de pénalité. Donc soit il va falloir qu'il réécrive le règlement en disant que la conséquence est la seule, est le seul juge de ce qu'on met comme pénalité, soit il va falloir qu'ils apprennent le règlement, soit il va falloir qu'ils ouvrent les yeux quand il y a un Grand Prix, parce que là vraiment on atteint des niveaux d'inconstance de la part des commissaires de piste qui est absolument dément. Je ne reviens pas sur les qualifications où ils disent, un grand renfort d'annonce le samedi matin, c'est 1 minute 41 pour les tours de outlap, inlap pendant les qualifs, entre les deux lignes de safety car, et attention, il y aura de la pénalité, machin. Les Ferrari roulent en 1.50 et 1.58 à ce moment-là, et on dit, oui, mais ils ont laissé passer des voitures, c'était prudent. Alors déjà, un, je ne pense pas que Sainz ait laissé passer des voitures pendant 17 secondes, et deux, il faut, dans ces cas-là, ne faites pas une grande annonce le samedi matin disant que vous allez sévir. Parce qu'en fait, encore une fois, on laisse les pilotes rouler n'importe comment, on laisse les pilotes ralentir et on laisse potentiellement un danger se produire. Et de plus, la règle disant on veut une 1.41 sur le tour, elle est nulle à chier. Parce que si le pilote roule en rythme de course sur les premiers et deuxièmes secteurs, il peut faire le troisième secteur avec 20 secondes de moins. Sur un secteur qui fait 20 secondes. Donc, ce qui veut dire qu'il peut rouler deux fois plus lentement. Alors que, en fait, tu mettrais des mini-secteurs en disant vous devez maintenir un delta sur tous les mini-secteurs, les pilotes seraient obligés de rouler assez vite. Tu mets 70%, pas plus, mais tu le mets. Et franchement, encore une fois, les commissaires font des règles qui sont ridicules, ne les font pas appliquer, ne sanctionnent pas les pilotes et se couchent littéralement devant Ferrari. Parce que je suis désolé, pour moi, il y a une sanction pour Leclerc en course et potentiellement deux sanctions en qualif. Sinon, la règle, elle sert à rien, en fait. Alors, certes, la formulation disait. Ça peut être jugé, jugé incorrect, sauf qu'ils l'ont annoncé de manière à grand renfort d'annonce, encore une fois. Donc il y a vraiment un gros souci sur la façon de gérer les choses à la FIA. Et puis, encore une fois, ouais, quand tu as deux actions similaires et qu'il n'y a pas la même pénalité qui en découle, au bout d'un moment. Oh. Et pourquoi ça s'abat aussi sur Russell de couper la chicane et pas sur les 15 ou 20 autres qu'on a vu couper la chicane? On a vu en Autriche qu'ils sont capables de déblatérer pendant 3 heures dans leur bureau pour mettre des pénalités et compter le nombre de fois les limites de piste ont été dépassées. En fait, la FIA fait n'importe quoi, c'est vraiment au jugé, selon le public, selon l'ambiance, selon, t'imagines, le nombre de cafés qu'ils ont pris ou le nombre de verres de vin qu'ils ont bu à table. Mais au bout d'un moment, il va falloir qu'ils fassent quelque chose parce qu'on est vraiment sur une gestion de plus en plus injuste et de plus en plus incompréhensible. Le vrai problème, je trouve quand même... le problème, c'est que là, cette fois-ci, ils peuvent se cacher derrière le règlement, justement, Manu. Et c'est ça le problème, parce que Hamilton a été pénalisé pour contact. En fait, c'est le souci, c'est que là, ils ont été malins et le règlement est de leur côté parce qu'il a été pénalisé pour causing a collision. Oui, mais Leclerc pourrait être pénalisé pour forcing another driver off track, parce qu'en fait, c'est la solution. C'est-à-dire que on a des pilotes qui s'échappent de ça en se mettant hors piste. Dans ce cas-là, ils ont été forcés hors piste et tu peux mettre le forcing off track. Ou il y a contact et tu mets causing a collision. En fait, les deux vont ensemble. Et ces deux règles-là sont spécifiquement conçues pour aller ensemble au règlement. Soit un pilote vient percuter, soit l'autre l'évite, mais se fout dehors pour l'éviter. Et auquel cas, la culpabilité est la même. Donc, je sais bien que le règlement peut être interprété tordu et tout ça pour glisser entre les mailles de ce que la FIA veut faire. Mais au bout d'un moment, putain, c'est écrit quand même noir sur blanc. Ce serait bien que la FIA comprenne que son règlement fonctionne selon une certaine logique. Même s'il n'est pas très clair, il est logique. Et pour moi, tu ne les pénalises pas pour la même chose, mais tu les pénalises pour la même action. En fait, c'est ça que je vois. Mais je suis d'accord. Moi, j'aurais mis une pénalité à Leclerc. Enfin, à un moment donné... Oui, c'est effectivement pas la même infraction. C'est pas normal de pouvoir... De pouvoir juste tourner vers la droite comme si on voulait. Enfin, encore une fois, ça, c'est une manœuvre que Leclerc avait déjà fait en 2019, et j'étais du même manière en 2019, il fallait le pénaliser quand il sort Hamilton. C'est la manœuvre typique que j'appellerais la manœuvre du beurre, de l'argent du beurre et de ce que vous voulez derrière. C'est-à-dire que le pilote veut à la fois avoir l'intérieur pour bloquer et garder sa position, mais il veut aussi pouvoir freiner sur la bonne trajectoire à droite. Exactement. Tu peux pas avoir les deux, donc à un moment donné, il faut admettre que tu ne peux pas faire les deux, et si ton un autre pilote est à côté, eh ben, tu fais attention. Et les fameuses excuses de... Enfin, il y a aussi le « Ah, oh, peut-être que les pilotes derrière sont dans leur angle mort. » Mais ça, j'aimerais quand même, à un moment donné, alors peut-être que je suis le seul à imaginer comme ça, mais si j'étais pilote de Formule 1, imaginons, voilà, je suis donc dans ma voiture, et soudainement, quelqu'un m'attaque par la droite, et puis je ne le vois plus. Il est donc dans mon angle mort. À quel moment le pilote se dit « Bah tiens, si je le vois plus dans mon rétro, c'est que c'est bon, il est plus là. » Bah non, c'est pas... Justement, s'il est dans ton angle mort, c'est qu'il est encore à côté. C'est pour ça qu'on appelle... Enfin, c'est pour ça qu'on évoque souvent l'angle mort. C'est parce que c'est le truc que tu ne vois pas dans les rétros, mais qui veut dire que la personne est encore à côté. Donc, si Leclerc, par exemple, quand il y a quelqu'un à côté, il ne peut pas décréter qu'il était en son angle mort. C'est ce qu'Hamilton a dit, mais Hamilton, lui, a été beaucoup plus magnanime et il s'est excusé. Mais Hamilton a utilisé le côté d'angle mort. Mais je trouve que c'est un truc où, si tu ne vois plus la voiture, parce que si la voiture s'était retrouvée derrière, tu la verrais derrière ton aileron arrière. Donc, tu pourrais faire la manœuvre pour te mettre devant. Donc, je... Ouais. Non, mais en plus, Hamilton, avec les tricards, il a dit je ne vais pas laisser la place. Donc, c'est. Ouais, l'angle mort, c'est vraiment de la mauvaise foi pour moi. C'est pas... Mais ça fait partie de ce que dit Hamilton. Et là, je peux effectivement comprendre. Après, peut-être que je dis ça là, assis le cul sur mon sur ma fauteuil de bureau. Mais peut-être que si je suis dans la voiture à 350 km/h, évidemment, tu n'as peut-être pas le temps de réfléchir de cette façon-là. Moi, je sais qu'à 350 km/h, j'aurais juste peur de me décaler et je ne bougerai plus. Et je oui, moi, genre, oui, non, mais alors là, oui. je serais tétanisé sur le volant, là. Enfin, voilà, ce serait abominable. Non, mais... là. En fait, évidemment, après, nous, on juge de notre place, mais c'est aussi l'analyse des faits, c'est aussi pour ça qu'on est là. Donc, je veux dire, c'est oui, évidemment, c'est les pilotes de F1, mais c'est les 20 meilleurs pilotes du monde. Donc, normalement, c'est leur taf et ils savent le faire, en fait. C'est ça qui est rageant et c'est pour ça qu'on se permet de critiquer. C'est-à-dire que c'est pas comme si on disait j'aurais fait mieux. Bien sûr que non, évidemment que non. Par contre, je dis, on voit que d'autres pilotes le font bien. On voit que d'autres pilotes laissent la place. C'est ce que je dis souvent avec Verstappen. Verstappen ne fait jamais des luttes sur plusieurs virages. Là, il l'a fait, bon, ce week-end, il l'a fait à Monza. Et c'était très bien, d'ailleurs. Il devrait le faire plus souvent. Mais on voit rarement Verstappen faire des luttes sur plusieurs virages consécutifs avec un pilote. Pourquoi ? Parce qu'il tasse, il force et il fait du chantage. Et je trouve ça dommage. Et pourquoi je le critique ? Pas parce que c'est Verstappen ou quoi. C'est juste parce qu'on voit au moins 18 autres pilotes qui font différemment. Et c'est très joli et c'est mieux. En fait, c'est plus propre. C'est un plus beau pilotage et c'est un pilotage d'élite qu'on attend de l'élite du sport auto. Mais pour autant, c'est pas une critique, gratuite ou bête et méchante. Maintenant, c'est vrai que quand on voit des pilotes se rabattre comme ça, ne pas laisser la place et tout, c'est un peu dommage, quoi. Clairement. Donc c'est ouais, assez compliqué. C'est vrai que Verstappen quand même n'a pas forcé là où le. Où Sainz... Alors Sainz honnêtement fait un peu une Verstappen, oui. Mais je trouve que c'est quand même relativement. C'est-à-dire que quand tu vois le truc, Sainz fait encore... En fait, il va certes au large, mais tu sens qu'il y a encore une toute petite motion où tu sens qu'il veut quand même... Il montre qu'il veut potentiellement revenir vers la droite. Ouais. Là où la spéciale de Max Verstappen, c'est on rentre dans le premier virage et puis on gare la voiture sur le deuxième vibreur. Et là, du coup, plus personne voilà. ne peut passer. Exactement. Donc, ça, c'est le côté, je trouve, qui est dur mais correct. Parce que... En fait, le moment où Sainz l'empêche de passer, il est déjà remis dans l'axe de la sortie du virage, ou quasiment en train de se remettre dans l'axe de la sortie du virage, là où Verstappen, normalement, fout la voiture en plein milieu, la voiture fait 5 mètres, on la pose au milieu de la piste, et puis de toute façon, l'autre ne peut pas passer, ou alors il passe dehors. Mmh. Et effectivement, c'est la petite nuance qui fait les choses. Parce que je trouve que si, par exemple, Verstappen avait voulu forcer, Sainz avait suffisamment amorcé le truc pour aller à l'extérieur et éviter le contact. Donc ça, c'était quand même intéressant. Et ça, je trouve qu'on critique souvent, effectivement, ce que fait Carlos Sainz. Là, pour le coup, je trouve qu'il a fait une manœuvre qui était quand même dure, mais c'est vrai que, comme tu l'as souligné, Paul, tout son début de Grand Prix, c'est con, il y a une faute, hein, il fait une erreur, et c'est à ce moment-là que Verstappen le passe, et c'est ce que Verstappen attendait. C'est le problème de Verstappen, tu peux pas, et c'est ce que Hamilton réussissait à ne pas faire, tu peux pas faire d'erreur quand tu es en lutte avec Verstappen, parce que c'est comme à l'époque être en lutte avec Schumacher, Hamilton ou autre, c'est des pilotes, il y aura une erreur, il n'y en aura pas deux, ils seront déjà devant. C'est ça, c'est très compliqué. Puis, il avait trouvé une bonne technique. En fait, Sainz, il avait failli perdre la première place au troisième tour, je crois. Et après ça, il avait trouvé la bonne technique. En fait, il mettait un peu sa monoplace au milieu de la piste en abordant le premier virage. Et à chaque fois, Verstappen, du coup, était sans solution. Donc, il a bien défendu. L'erreur, j'ai envie de dire, bon, Évidemment, c'est dommage, mais il n'y a pas trop de regrets à avoir dans tous les cas, puisque de toute façon, vu le rythme de Verstappen et la meilleure dégradation, je pense qu'il aurait fini par fléchir. Moi, je l'ai vraiment trouvé plutôt propre, Sainz, pour le coup. C'est vrai, un peu brouillon par moment, mais bien plus brouillon avec Leclerc que face à Verstappen. Pour le coup, il a juste bien défendu face à la Red Bull. Je l'ai trouvé son meilleur Grand Prix de l'année, évidemment, mais peut-être son meilleur Grand Prix chez Ferrari, voire en Formule 1. Je l'ai trouvé vraiment brillant dans tout ce qu'il a fait dans l'ensemble, quand même. Ouais, c'était quand même assez bon, même si, comme on l'a évoqué en début de rubrique, moi, moi aussi tendance à le critiquer régulièrement, donc là, je lui rends hommage pour une fois, c'est que je l'ai quand même trouvé le meilleur chez Ferrari, et il a quand même vraiment, grâce à lui, on a eu un super spectacle quand même, hein, parce que, et un suspense, certes, pas très long, mais un petit peu de suspense quand même, il a obligé Verstappen à lutter, rien que pour ça, bah, ils sont pas nombreux ceux qui ont réussi à tenir tête depuis le néerlandais. Ouais, heureusement. Heureusement, il fait la pole en fait, parce que s'il fait pas la pole, c'est Verstappen qui part devant. Le Grand Prix n'a strictement aucun intérêt de A à Z. Donc au moins, c'est sympa. Et là où on peut aussi lui dire bravo, c'est qu'il a résisté à la pression au départ. Parce que tu gardes ta Ferrari devant les tifosi, machin, tu peux vite quand même être. Enfin, c'est à double tranchant. Ou le pilote va être pris par une forme d'euphorie qui va lui permettre du coup de se transcender. Ou il va y avoir quand même un stress impressionnant de voir tous ces tifosi pour lesquels tu peux bien faire et de voir trop bien faire et de se louper. Mais là, il a pris un départ impeccable. Donc ça, c'était vraiment top. J'avais vu aussi quelqu'un qui nous disait si les positions étaient inversées chez Ferrari, ils auraient joué les positions un peu par rapport à ce qui s'est passé en Autriche. On vous rappelle que ça fait des émissions et des émissions qu'on vous parle du favoritisme de Ferrari envers Carlos Sainz. Donc je pense sincèrement que si là, ils n'ont pas gelé les positions, ils ne l'auraient évidemment pas fait si Leclerc était devant. Et c'est bien, parce que moi je m'attendais limite à ce qu'ils gèlent les positions, ce qui en plus c'est terrible parce qu'ils auraient été dans leur droit de geler les positions à ce moment-là pour dire on prend pas de risque, c'est le podium devant les tifosi, faut pas se louper. Ils l'ont pas fait, maintenant voilà, je pense ça aurait juste valu des consignes plus... Bon, je dis plus clair, peut-être que je tape un peu fort sur Xavier Marcos, peut-être que c'était quand même assez clair, mais... C'est voilà, la fin, le problème, beaucoup, c'est que Xavier Marcos, il fait que relayer les consignes que donne la direction. Là. Oui, bah oui, c'est pas lui qui les invente, effectivement. Mais je pense que là, voilà, c'est où tu ne prends aucun risque. Parce qu'en fait, le no-risque peut souvent être interprété comme on gèle des positions, mais on ne le dit pas de manière claire. Mais là, c'est vraiment prenez pas de risque, mais battez-vous. Tu vois, il y a quand même cette espèce de dualité un petit peu dans le propos, mais bon, 3 et 4 à Monza, ça n'était pas forcément attendu au début de saison, donc je pense qu'ils ont de quoi être assez contents chez Ferrari. On dit Sainz, goat de Ferrari, va ramener le titre, et non, pas la fraude, malheureusement, Carlos Sainz et Charles Leclerc ne peuvent déjà plus être champions du monde cette année. C'est terrible. Ce serait un pilote Red Bull, un pilote Mercedes ou un pilote Aston Martin, le champion. Normalement, au prochain Grand Prix, on verra, c'est un pilote Red Bull. McLaren, c'est terminé, Manu. Haas aussi, malheureusement, Alpine. ne peut plus avoir de pied de champion du monde, je suis navré de te l'apprendre comme cela. Ah oui, As, bon, c'est pas. As, c'est pas non plus complètement surprenant. Je suis... on y a peu cru. Hein. Ouais, ah, mais quand même, hein, moi je suis désolé, mais quand, quand tu les vois être bien sur deux tours à chaque fois, tu te dis, ah, si les Grands Prix étaient super sprint, peut-être que, que ça pourrait marcher. On demande si Andretti non plus, hein, Williams non plus, bien sûr, McLaren c'est pour 2024, vous allez voir. Complexe. Mon AlphaTauri non plus, AlphaTauri, hein, c'est surtout qu'ils n'ont qu'un seul pilote qui pourrait potentiellement ramener le titre parce que les autres ne font pas la saison complète. Donc non, assez difficile. Le pilote qui fait la saison complète, il n'a que 3 points. Donc... Oui, voilà, et 3 points, on est en train de lui jeter des fleurs depuis 8 mois et demi, hein, à dire, oh, c'est quand même fort. 3 points marqués en 3 fois, hein, en plus. C'est oui, pas... ah bah oui, il avait quand même, faut pas. Oh. C'était trop triste. Avant, dans le week-end, je sais plus quand, ils ont dit oh, on aimerait bien en plus faire un résultat qui nous permet de marquer plus qu'un point. J'étais là, putain, c'est rude comme. On aimerait ce week-end dans la communication d'après-course écrire point au pluriel. Ça serait sympa. c'est vraiment pas le cas. J'en suis navré. Mercedes. Qui termine 5e et 6e, Russell et Hamilton. Bon, c'est un petit peu chanceux aussi, parce qu'Hamilton, quand même, doit remonter en fin de course avec la pénalité. Je dis la même chose que pour pas mal d'équipes, mais c'était brouillon. C'était brouillon. Bah, Russell, hein, moi je suis désolé, Russell. Russell, excellente qualif. Oui, ça il faut le dire. Hamilton, moins bonne qualif. Et la course des deux a été bordélique. Alors Russell a admis qu'il avait en fait coupé la chicane en sortant des stands face à Ocon parce qu'il savait très bien qu'il allait prendre 5 secondes, mais que la chicane ne punit en rien les passages par-dessus les vibreurs. Et il savait qu'il perdrait plus de temps en restant derrière l'Alpine qu'en prenant ses 5 secondes de pénalité. Donc, c'est le président du GPDA qui avoue avoir fauté volontairement parce que le circuit n'est pas très bien foutu et que le règlement n'est pas très bien foutu. C'est pas génial. Et puis Hamilton, c'était pas si mal, mais cette action sur Piastri, elle est un peu dégueulasse, quoi. Donc, C'est une erreur assez atypique de Hamilton quand même, hein, parce que c'est un peu la même face à Alonso l'année dernière à Spa. Et puis on sait qu'il y avait aussi un ou deux accrochages avec Albon par le passé, donc il a tendance toujours à se rabattre un peu tôt en pensant que son concurrent est plus là en fait, et c'est un peu dommage. Donc je te rejoins, course assez brouillonne de Mercedes. Bon, ils font 5 et 6 parce qu'il y avait suffisamment de performance pour passer outre la concurrence qui était un peu plus larguée ce week-end. Donc, ils sont en leur place, mais c'est un résultat logique. Après, je vous laisse ajouter quelque chose si vous avez des choses à dire sur la piste. Moi, c'est plutôt hors de la piste que j'ai un peu envie de les dégommer, mais je crois que je ne serai pas le seul. C'est un peu le souci. Bon, alors, effectivement, moi, ce que j'arrive quand même, ce qui me fascine, c'est qu'ils ont cette année cette facilité. En gros, l'an dernier, c'était on ne les voit pas du Grand Prix, ils sont troisième force, ils sont perdus dans leur no man's land, machin, bidule. Bon. Mais cette année, je trouve qu'il y a de plus en plus de Grands Prix où c'est juste le bazar. C'est-à-dire que tu vois toutes les 4 secondes à l'écran une Mercedes qui est en bagarre, qui est en glisse, qui est en perdition, qui machin, qui bidule. Et ils finissent 5e et 6e. Et ça, c'est quand même assez fort. Mais je suis d'accord avec vous, Russell. Alors, tu vois, Manu, oui, effectivement, bon, il avoue fauter tout ça. Mais je pense que c'est bien pour la FIA, même si c'est président du GPS, oui. C'est bien pour la FIA de voir les limites de son règlement. Mais... Le problème, ce serait bien si elle faisait quelque chose derrière. Les limites du règlement, ils sont testés tous les week-ends, ils font rien. Parce que je pense que même à un moment donné, dans la bagarre avec Perez, quand Perez coupe la chicane, je suis convaincu qu'il la coupe aussi exprès, Russell. Oui. Qu'il n'est pas forcément dit, mais il rentre dans le virage, il dit oh, c'est bon, je vais couper aussi, comme ça il perd un peu moins de. Il perd un peu moins de vitesse, il met un petit peu moins de stress sur les pneus parce qu'il enlève de l'angle de braquage, machin. Enfin voilà, il se met dans des bonnes conditions parce qu'il sait que Perez va devoir le. Combien de pilotes sont passés par le milieu de la chicane? Ah, c'était bordé. Mais à tel point que en fait, c'est impossible parce que le bac à gravier est beaucoup trop petit du côté droit. Mais à un moment donné, mettez la chicane moto. Franchement, si c'est pour que tout le monde la coupe, cette chicane. Ouais. Parce qu'en fait, l'endroit où les gens coupent, vous voyez qu'il y a un vibreur parce que c'est une chicane utilisée pour la moto. Quand tu viens avec un Grand Prix moto, on les fait passer là pour que ce soit plus facile et qu'il y ait moins d'accrochage. Faites-les passer un jour par la chicane moto si vous voulez. Bon, évidemment. Les mecs ils vont rentrer à 2,50 dans la chicane, ils vont sortir à 2,60, je suis pas sûr que ce soit très sécurisant, mais c'est fou de vouloir persévérer avec cette chicane que tout le monde évite. Non, mais pourquoi ils mettent, après j'imagine c'est parce qu'il y a la chicane moto au milieu, mais un bac à sable ce serait bien, un bac à gravier, parce que pour le coup ce serait un bac à gravier assez court où tu mets l'espèce de faux gravier qu'ils ont mis à ralentit pas beaucoup celui-là, mais ou je sais pas, tu dois pouvoir mettre un bac à gravier qui fasse pas de... Ouais, en même temps, si une voiture arrive en perdition latérale, elle se fait plus... Ouais. En fait, là, la solution actuelle est la meilleure, mais en même temps pas la meilleure du tout. Parce qu'en fait, ils ont mis des ralentisseurs, mais ces ralentisseurs ne font rien quand tu arrives à faible vitesse. Et en plus, si quelqu'un subit une casse mécanique en bout de ligne droite et part en tête à queue à cet endroit-là, s'il tape l'un de ses vibreurs aussi, il peut décoller. Parce qu'ils sont quand même... C'est quand même des journées couchées assez... C'est plus les vibreurs saucisses. Ils ont été mais c'est quand même des journées couchées. Peut-être que comme la courbe est plus justement graduelle, peut-être que même si tu passes dessus en perdition à 200 km/h, peut-être que tu ne t'envoles pas. Ça reste le maximum. Mais après, est-ce que tout simplement, sinon, dans une chicane comme ça, où tu as un virage très, très lent au milieu, est-ce qu'il ne devrait pas faire que si tu la coupes, c'est pénalité automatique ? Première fois tu coupes 5 secondes, deuxième fois tu coupes 10 secondes, troisième fois tu coupes 15 secondes et tu verras que les pilotes vont se calmer. Ou alors faire un autre truc qui consiste à que quand tu la coupes, tu, comme au Canada, tu dois ramener, refaire un détour pour aller. Parce que là, apparemment, ils avaient fait un truc comme ça, mais personne n'a respecté, la FIA s'en est foutue. Mais si au final, quand les pilotes tirent tout droit au virage, ils ont un grand zigzag à faire. Là aussi, c'est pareil. Hein, des pilotes de F2 ne l'ont pas fait, la FIA s'en est foutue. Au bout d'un moment, ne mettez pas ces trucs-là, laissez-les rouler. Mais en fait, tu mettrais un vrai règlement avec, ou comme en Russie, quand tu passais à l'extérieur, tu devais reprendre le truc. Et ça, bon, ça passait pas pour tous les pilotes. Hein. Mais voilà. Mais En fait, faire un truc qui pénalise vraiment les pilotes, quoi. C'est-à-dire que tu passes dans cette chicane, tu perds 3 ou 4 places. Et tu verrais qu'ils vont se calmer, tout simplement. Mmh. Ouais, c'est très, très possible. Non, je sais pas ce qu'il faudrait faire, mais de toute façon, le problème, c'est que Mercedes, ce week-end, bon, en piste, c'était pas top, mais les résultats sont là. Troisième force, ouais. Vraiment à la régulière. Oui. Bravo quand même à Lewis Hamilton, je trouve, d'admettre son tort directement. C'est quand même assez rare que les pilotes fassent ça lors de l'accrochage contre Piastri. Mais alors, Toto Wolff, je sais pas, peut-être qu'il faisait chaud ce week-end, je ne sais pas. Ou peut-être que le fait de ne pas avoir Jérôme D'Ambrosio depuis 2-3 Grands Prix à ses côtés le perturbe. Déjà, Lewis Hamilton, en début de week-end, qui dit que Verstappen n'a pas eu des équipiers aussi bons que lui. Et aussi, alors, c'est pas faux dans l'absolu, parce qu'il a eu Button, il a eu Rosberg et ça. Après, il vient citer Bottas. Ouais. Bon, Bottas, Pérez, c'est pas bien différent. Grave, hein. Donc ça, c'est pas malin. C'est pas malin, parce que ça n'apporte pas grand-chose au débat. Je comprends pas que la direction de com de Mercedes leur demande pas de se taire. Des fois, genre, ça tu n'y réponds pas. Et effectivement, Toto Wolff, ce dimanche, je vous laisse le dérouler, mais c'est Toto Wolff qui donc dit que les records de Max Verstappen, vous savez, ils sont pour Wikipédia et ça n'intéresse personne. Moi, je n'en peux plus. Alors c'est con, Christian Horner n'a rien fait ce week-end, mais les deux en fait, là je n'en peux vraiment plus, parce que maintenant on atteint le niveau cours d'école. Et c'est... On était déjà en cours d'école, là c'est maternelle hein, maintenant. Alors, Horner a quand même répondu bah oui, à évidemment. Cette déclaration. Il a dit, je ne veux pas lancer des commentaires à ce sujet. Max, ce qu'il fait à battre des records, c'est énorme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a juste dit qu'il faut reconnaître et applaudir ce que fait Verstappen, qu'on ne devrait en aucun cas nuire à cela par de quelconques commentaires déplacés. Ce qui n'est pas faux non plus. On me demande si c'est une déclaration ou une interview. C'est une interview, mais toutes les déclarations. Ça, c'est la même chose. En fait, c'est pareil. Il faut savoir que les déclarations, si tu considères communiqué de presse, tu n'auras jamais rien de controversé dedans. C'est-à-dire que ce sont des trucs très basiques, très. Voilà. Et dans certains cas, la personne qui parle, par exemple, Toto Wolff, ne dit même pas les mots. C'est le responsable com de Mercedes qui crée la citation. Wolff la regarde, il dit OK, ça me va, et voilà. Mais tu vois, ça, c'est le côté parce que. Je vois ce que tu veux dire par là, Alka, mais vous croyez franchement que la question de la personne a été « Toto Wolff, estimez-vous que la domination de Max Verstappen est mauvaise pour la Formule 1 et de plus, pensez-vous que cela lui permette de gonfler artificiellement son palmarès pour un site internet qui ferait, je ne sais pas, par exemple, de la revue biographique de personnes, est-ce que vous pensez que c'est cela, à savoir que je ne parle pas ici de l'encyclopédie Encarta ?» Non. Le mec, il te balance, c'est une domination pour Wikipédia. Ça, c'est une punchline qu'il a préparée, qu'il voulait à tout prix sortir. Vous savez, c'est de la politique, mais de la politique dans le sens, le spectacle politique, c'est la même chose. La question, elle est simple, c'est qu'est-ce que vous pensez du record de Verstappen, tout simplement, en fait. Et le fait est que, en fait, il trie les records, que les records qu'a battu Hamilton sont incroyables, époustouflants, super, super et tout ça. Et les records que bat Verstappen sont, tout le monde s'en fout, mais c'est faux. Déjà, c'est faux parce que les séries de victoires, on en a beaucoup parlé en 2013, on en a beaucoup parlé depuis le début de saison quand on a vu Verstappen continuer à enchaîner. On en a beaucoup parlé, on parle souvent de 88 et de la domination de McLaren qui maintenant sera 2023 et domination de Red Bull. Donc, ce que dit Wolff, en fait, c'est le problème, c'est qu'au-delà de choisir le record et puis de se prendre d'une punchline, comme tu dis, Michael, désolé, je t'ai coupé, mais qui préparait, c'est surtout que c'est faux, en fait. C'est faux et c'est juste de la provoque. Alors bon, après il a précisé ses propos, mais attends, je vais retrouver ça parce que du coup c'est juste pour dire non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Enfin tu vois, parce que il y a parfois aussi je veux que tu me ressortes les trucs précis, mais ça va être très bien que des fois aussi les gens vont préciser leurs propos. Par exemple, ils vont dire ouais, ce qu'il fait c'est quand même pas terrible. Tu vois, genre vous voulez pas. Enfin, imaginons. Voilà, t'es Mika Kylen, quand Mika Schumacher bat tout l'accord, tu dis oui, bon, ouais, d'accord, mais c'est pas génial, tu vois. Et après, dire non, pardon, je voudrais préciser mes propos, non, parce que ça a été sorti de son contexte, tu vas trouver des excuses sur le fait que c'est mon teint tête d'épingle, mais c'est pas toi, mais tu vas jamais remettre en question le propos. Donc, qu'est-ce que là, il fait? Il a dit, pour moi, ces types de records ne sont absolument pas pertinents, ils n'étaient pas pertinents dans nos bons jours chez Mercedes. Je ne sais pas combien de courses nous avons gagné d'affilée, et je ne savais même pas qu'il y avait un décompte pour le nombre de courses d'affilée que l'on gagne. Bien sûr. Il faut peut-être s'intéresser à la Formule 1. Par conséquent, il est difficile de me demander de commenter certaines réalisations car elles n'ont jamais joué un rôle de toute ma vie. Alors ça, je veux bien croire que ce soit moins important pour lui, mais bon. Après, j'aime beaucoup Manu parce que je ne savais même pas qu'il y a un décompte. Alors, Toto Wolff découvre visiblement les mathématiques. Ça est assez étonnant parce qu'effectivement, si un pilote gagne deux courses de suite, on le remarque. Donc ça fait 2, puis 3, 4. Et après, il a mis. Ils peuvent en parlant de la possibilité de voir Red Bull tout gagner, il a dit que ça l'impressionnait plus. Il a dit qu'ils peuvent le réussir ou tout gâcher eux-mêmes tant ils sont devant les autres. Ils sont en bonne voie pour gagner chaque course cette saison. Et soit dit en passant, c'est un record que je pense être un bon record car c'est la perfection. Nous n'y sommes pas parvenus en 2016 parce que nos deux pilotes sont crashés l'un contre l'autre à Barcelone et nous avons eu une panne moteur en Malaisie. Voilà. Oui, mais c'est pas actuel. Mais bon, non, mais après, voilà, elle est à peine avouée sa faute, quoi. Moi, ça me rend fou. Enfin, en fait, tu pourrais. En fait, c'est un manque total de classe. Exactement. Non, mais Paul, voilà. Non, t'as raison. Tu peux. Parce que j'allais dire exactement le même mot. Donc, vas-y. Non, c'est... Bah, On soulignait il y a deux minutes. Parce que j'ai aussi envie de revenir un peu sur ce qu'a dit Lewis Hamilton. C'est. On a souligné sa classe d'admettre juste après la course sa faute sur Piastri, par exemple. Bon, bah, ça, c'est super. Mais deux jours avant, ce qu'il fait, c'est pas classe du tout, en fait. Minimiser les succès d'un concurrent. Alors, certes, il y a un passif entre eux, mais c'est malgré tout minimiser les succès de quelqu'un qui domine et qui domine assez largement, en sous-entendant qu'il n'a pas eu les mêmes coéquipiers. Alors, c'est un procès injuste déjà. Un pilote ne choisit pas ses coéquipiers. C'est la première chose qu'il faut quand même souligner. Et comme l'a souligné Manu, Hamilton a certes eu Alonso et Button en champion du monde. Rappelons quand même que Rosberg n'était à l'époque pas champion du monde quand il l'a affronté, et qu'ensuite il y a eu Valtteri Bottas pendant 5 ans. Donc si Valtteri Bottas est resté aussi longtemps chez Mercedes et que Hamilton le soutenait, c'est aussi parce qu'il ne lui faisait pas d'ombre. On va arrêter de se mentir, Bottas était un bon numéro 2. C'était un pilote qui certes le poussait en qualif, mais beaucoup moins en course. Je pense que Perez est plus fort en course que Bottas, moins fort en qualif, ce serait mon analyse. Donc voilà, je trouve ça pas classe. Je fais une petite parenthèse rapide, j'en ai aussi un petit peu marre de ces déclarations pour dire que la FIA devrait faire quelque chose pour réduire l'avantage d'un concurrent. Non, encore une fois, il s'en plaignait pas quand il avait la meilleure voiture du plateau, ce qui a duré 8 ans de suite, je le rappelle. Il en a fait très bon usage, il a été exceptionnel, j'ai rien à dire, il a des accomplissements énormes, mais je trouve qu'il a la mémoire un petit peu courte. Voilà, je referme la parenthèse sur Hamilton, et quant à Toto Wolff, ben, voilà, c'est dans la même veine, c'est pas classe du tout, c'est pas fair play. Là, vous l'avez rappelé aussi, quand Hamilton atteignait le cap des 100 victoires, c'était merveilleux. Quand il égalait les 7 titres de Michael Schumacher, c'était merveilleux. Non, je pense qu'ils ont tous les deux un peu la mémoire courte. Mercedes a eu pendant tellement d'années une voiture au-dessus du lot. Sur les 8 années de domination, il y en a 3, je pense à 2014, 2016 et 2020, où ils avaient un avantage sur la concurrence similaire à celui de Red Bull en ce moment. Et à l'époque, les autres équipes ne se plaignaient pas du règlement de quoi que ce soit. Elles admettaient que Mercedes allait faire meilleur travail. Et c'est dommage que Mercedes ne soit pas capable de faire la même chose. Quand eux sont dans le dur, ce sont des mauvais perdants. Et je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Bah ouais, c'est ça. J'avais parlé de classe. Après, c'est toujours facile de dire ça, évidemment. Mais tu pourrais juste dire bravo. Parce que Hamilton, c'est pas sa première. Hamilton, quand Vettel dominait, il a dit aussi clairement que la domination de Vettel n'est pas bonne pour la Formule 1. Donc voilà. Toutes les dominations ne sont pas bonnes, mais sauf la sienne, visiblement. Donc là, c'est un peu, c'est un peu ce qui est embêtant. Et puis surtout, on se plaint en disant la FIA... Mais voilà, Laurent a raison, Red Bull se plaît très bien à l'époque du Mercedes. Bon, voilà, pareil, bon, pourquoi pas. Mais en demandant, en quémandant à la FIA de faire des choses, alors que la FIA fait littéralement des choses. Fonctionne-t-elle ou non? Ça, c'est à juger après plusieurs saisons, mais il y a un plafond budgétaire, il y a des limitations de développement, il y a plein de choses qui sont quand même mises en place pour aller... justement essayer de limiter l'avantage des leaders. Après, que ça marche ou non, mais bon. Très bien, effectivement, je trouve d'avoir peut-être un peu plus de classe, de maturité, de manière... C'est pas nécessaire, forcément, tu vois, vraiment, d'aller lâcher la punchline, encore Wikipédia. À la rigueur, tu vois, si directement, dès le début, il avait dit, oh, vous savez, oui, c'est ce qu'il fait, bon, ce que fait Verstappen, je ne regrette pas trop, ça m'impressionnerait plus s'il venait à gagner toutes les Grands Prix, ça mettrait un côté défi, tu vois. Pour moi, mais juste dire, c'est un record pour Wikipédia, oui, mais c'est pas, je vois pas ce que ça va apporter, en fait. La page Wikipédia de Lewis Hamilton est très bien garnie avec ses plus de 100 pôles et plus de 100 victoires, et voilà, quoi, on est, enfin, ça pose de problème à personne, et basta. Donc, il faudrait peut-être aussi voir ce genre de choses. Mais bien sûr, Laurentin, ça fait chier de voir ce genre de déclat, mais je suis sûr que si Aston domine Red Bull et Mercedes seront bien main dans la main pour se plaindre, évidemment. Mais moi, j'aimerais juste que globalement, ce genre de déclaration s'arrête, quoi. Que tu n'étais pas obligé de venir râler sur le mec qui domine, parce que voilà, c'est comme ça, c'est la F1, ça tourne et ça te frotte comme ça. Ça ne sert personne. Ça sert Ouais. personne et c'est pas digne d'un statut de Toto Wolff ou d'un Lewis Hamilton parce que ce genre de débat que nous on se dit entre nous que Verstappen a un équipier faible en la personne de Sergio Pérez et qu'il aurait peut-être plus de mal face à Lando Norris, à Alonso ou à Hamilton. Mais ça c'est nous les fans, les observateurs, les journalistes qui conçoit, qui faisons ces analyses. C'est pas aux acteurs eux-mêmes de faire ce genre de commentaires en plus. Il faut qu'ils gardent un côté professionnel et extérieur à tout ça. Donc là, se mêler à ce débat-là, ça tire tout le monde vers le bas et ça sert personne. Et j'espère, comme tu dis, Michael, que voilà, ça leur servira de leçon. J'espère. Et qu'ils se remettent plutôt en question plutôt que de voilà, minimiser les exploits d'un concurrent. Je trouve ça nul. Clairement. Par contre, nous, un exploit qu'on va pas minimiser, c'est le fait qu'en quatrième position ce week-end, on va parler de Williams. Et ça, c'est Ça. rare. Et ça, on les salue. Alex Albon qui termine 7e, Logan Sargeant 13e. Bon. Pour Sargeant, ça a encore été compliqué. Je pense que malheureusement, on s'oriente plus vers un non-revoir en fin de saison, si ce n'est un adieu à la Formule 1, plutôt que de le voir encore chez Mercedes, chez Williams pendant l'an prochain. Mais Albon. La question, c'est qui trouveront à mettre à la place? Est-ce qu'ils trouveront quelqu'un qui offre des meilleures garanties? Moi, je pense Mick Schumacher. Je pense que ça doit quand même être en Pour tractation. moi... En fait, Wolf a dit récemment que Schumacher, les portes de la F1 se fermaient, donc c'est ça qui m'étonne un peu. Ouais, je Ouais, sais c'est vrai pas. que c'est étonnant. Je Il a saurais dit pas, ouais. ce week-end en plus, je crois, donc ça paraît compliqué. Après, est-ce que Ouais, c'est vrai Sargeant qu'il vend... semble out et c'est très étonnant. On me dit dans le chat, ouais, le chat le confirme, effectivement. Après, est-ce que c'est pas encore une déclaration un peu. Enfin, tu vois, on sait jamais, hein, ça peut aussi arriver, ce genre de déclaration un peu politique. Peut-être que. Tu vois. Je pense que. Voilà, on dit Wolf a mis que c'est compliqué. Alors après, dans ces cas-là, tu as plusieurs lectures où effectivement il joue franc jeu dès le début et c'est compliqué, il n'arrive pas à lui retrouver une place potentiellement. Parce que peut-être, alors c'est tout bête, mais peut-être qu'effectivement, dans l'équipe, il est pas si apprécié. Enfin, tu vois, c'est des choses où. On rappelle que c'est une année charnière. Hein. Il a quitté Haas, Mick Schumacher. Là, c'est l'année où Mercedes peut savoir s'il est bon. Et je pense de ce qu'on voit. Ils ont l'air d'être ravis par son retour technique, par ses performances en piste au simulateur. Maintenant, si du coup, alors qu'il fait d'excellent travail, les portes de la F1 se referment un peu, ne serait-il pas plutôt, on va dire, peu loquace et peu joie dans l'équipe, comme avait dit finalement Haas? Parce qu'on rappelle que Haas, de ce qu'on a compris, on le vire plutôt parce que ça s'est mal passé, on va dire, humainement, dans l'équipe. C'est ce qu'on comprenait un peu dans les déclarations de Günther Steiner notamment. Peut-être qu'ici, enfin, je rappelle que Pascal Wehrlein s'est grillé une carrière en F1 parce qu'il était imbuvable apparemment dans les équipes dans lesquelles il passait. Donc c'est quand même quelque chose qui est possible. Ça serait très étonnant. Jean-Éric Vergne a dit la même chose le concernant aussi. Exactement. Alors ce serait très étonnant vu le Mick Schumacher que l'on voit devant les médias, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il va être sympa dans une interview et parler français à Canal+, par exemple, qui va pas taper très fort sur ses ingénieurs quand les choses vont pas. Enfin, tu vois, on ne sait pas. Là, voilà. Mais j'émets juste À moi, l'hypothèse. pour l'avoir eu en interview, Schumacher, il est très gentil, mais alors franchement, c'est une langue de bois. Tu n'en tires rien. C'est ça le souci, quoi. Donc peut-être qu'il y a très langue de bois, justement. Il est très, pardon, policé, on va dire, dans le langage public, mais peut-être qu'en privé, ça marche moins bien. Donc, mais donc, ou Wolff est de bonne foi, et effectivement, ça se referme pour Schumacher. Ou alors, il peut aussi dire ce genre de déclaration pour, tu vois, un peu calmer les ardeurs des autres équipes, machin, dire non, mais vous savez, ça se termine. Enfin, tu vois, pour peut-être rester sur un accord avec Williams, voilà. Mais en même temps, Williams n'a plus l'air d'avoir ce genre d'accord avec les échanges, on va dire, de moteurs, ou en tout cas, Non. bon, vous prenez un pilote, vous payez moins cher. Ça ne fonctionne plus, puisque de toute façon, ici, eh bien, tout le monde est au budget capé, donc tout le monde peut se payer un moteur, Et depuis voilà, l'an c'est dernier, ça. c'est pas même moteur, boîte de vitesse, suspension, a Oui, priori. ils ont augmenté effectivement leur. Au moins moteur, boîte de vitesse, je sais plus si c'est suspension, mais. Je crois, ouais, mais au moins, ouais. En tout cas, ils ont augmenté leur apport de Mercedes sur leur voiture. On me demande qu'est-ce que Schumacher apporte de plus que Sargeant. Je pense Bah, juste il est. au moins 2-3 dixièmes au tour, mais pas méchamment, Pour je vous moi, dis. il apporterait un bagage en plus. Voilà. Et une Autant tour, expérience c'est en top difficile à team dire. récent, enfin top team. Tant tour, c'est difficile d'être affirmatif. Enfin, il reste quand même pas sur une énorme saison. Il faut quand même le rappeler. C'est que son bilan sportif est malheureusement pas brillant. 2021, c'est impossible de le jauger face à Mazepin et dans une voiture absolument catastrophique. Donc 2021, il n'y a aucun enseignement à tirer malheureusement. Et 2022, bah, il se fait battre par Magnussen qui revient. Magnussen, on voit cette année, bah, c'est pas un des meilleurs de la grille, loin de là. Donc c'est Voilà, Schumacher, c'est vrai qu'il y a peu d'assurance sportive aujourd'hui. Et si effectivement, il fait belle figure dans les médias, mais que ce n'est pas la même personne en interne, encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Mais il y a peut-être, en effet, des choses qu'on ne sait pas. On dit, je trouve ça profondément injuste de ne pas avoir donné au moins une seconde saison à Sargeant. On a l'impression que maintenant, les rookies doivent performer de suite sans leur laisser le temps d'apprendre et ensuite de démontrer. Alors moi, je suis... En fait, le problème, c'est que Sargeant arrive là, on comprend déjà pas très bien pourquoi il arrive là. Enfin, ça, on comprend, en gros, il était membre de l'Académie Williams, mais Williams n'avait donc pas cette force de frappe de pouvoir aller chercher les meilleurs jeunes pilotes. Parce que tu avais les Académies Red Bull, tout ça. Donc forcément, ils prennent déjà un pilote dont tu sais qu'il n'est pas génial. La preuve, ils ont dû attendre le dernier meeting de Formule 2 pour savoir s'il allait avoir sa super licence. Donc ça crie pas champion du monde de F1 en puissance. À un moment donné, effectivement... on dit USA, ouais, USA. Alors, je tiens à vous le dire, même s'il y a ce petit jeu de dire what the fuck is a kilometer, machin, mettre les aigles et tout, honnêtement, la présence de Logan Sargeant en F1, ça ne fait pas bouger le nombre de fans aux États-Unis. C'est pas Logan Sargeant qui va bousculer le truc. Un Colton Herta aurait aurait un peu plus fait bouger les choses parce qu'il est connu là-bas. Mais Logan Sargeant, c'est un pilote américain qui s'est exporté très jeune en Europe. Et les Américains ne ressentent pas du coup une forte appartenance à un pilote qui s'est expatrié. Et pareil dans tous les sports. Hein. En gros, quand l'Américain part, vraiment, c'est ce qu'ils aiment, c'est le born and raised, machin, le pouvoir dire, yeah, je me rappelle de lui sur les ovales du Kentucky. Tu vois, c'est vraiment ce genre de truc. Quoi. Là, Sargeant, bah, très vite, il est parti faire sa carrière en Europe. Donc, c'est plus un pilote européen quasiment. Donc, Après, l'an dernier, il faut oublier qu'il était rookie en F2. Il fait quand même quatrième du championnat derrière Lawson qui avait deux ou trois saisons, puis Pourchaire qui était dans sa deuxième, Drugovich qui était dans sa quatorzième, je crois. Et je déconne, c'est la 3 ou 4. Et il fait quand même quatre podiums, dont deux victoires en course principale et deux pole positions. Donc c'est pas un bilan dégueulasse non plus. Et en fait, limite, on pourrait se dire il a été balancé là trop tôt. Après, c'est vrai que là où je peux comprendre William, c'est que Schumacher, c'est pas un modèle de constance. C'est un peu une inconnue niveau performance. Et au final, Sargeant, c'est un peu une inconnue niveau performance parce qu'on ne sait pas exactement jusqu'où il peut monter. Et c'est un peu un modèle, il a un peu un manque de constance, mais c'est pas non plus. Mais pas tant que ça, je trouve finalement. Et de moins en moins surtout. Sargeant, on le voit pas trop. Alors évidemment, on a parlé la semaine dernière de Weekend de Zandvoort où il s'est crashé et tout ça, mais on le voit pas trop finalement sortir de la piste. Enfin, tu vois, moi, je trouve que c'est quand même relativement propre. Quoi. C'est pas le rookie que tu vas voir toujours dans un bac et tout ça. Il y a peu d'erreurs, mais c'est vrai que les écarts avec Albon, bon, qui est brillant, on ne cesse de le répéter, mais les écarts sont importants. Pour moi, le problème de Sargeant, c'est aussi la comparaison avec un autre débutant, Oscar Piastri, qui est face à un coéquipier lui aussi extrêmement fort, la personne de Lando Norris, et qui se fait dominer, certes, mais qui fait un excellent travail en comparaison d'un des top pilotes du plateau. Et voilà, Sargeant, on voit que c'est quand même beaucoup plus dur. Il manque un week-end où il y a un coup d'éclat, que ce soit en qualif ou en course, il n'y a pas eu, je pense, une seule étincelle où on se dit, ok, ce mec a quelque chose. Là où pour Piastri, on l'a déjà ressenti plusieurs fois. Donc, il mérite amplement de terminer la saison. Aujourd'hui, est-ce qu'il mérite d'être l'année prochaine? Aujourd'hui, moi, je suis tenté de dire que non. Maintenant, il reste 8 grands prix pour bien terminer. S'il arrive, la Williams est quand même là maintenant. Je crois qu'Alex Albon, ça fait 4 Q3 en 5 courses, là, donc ça ne devient plus un hasard. S'il arrive à se mettre au niveau ou ne serait-ce qu'accéder à la Q3 et viser le top 10 en course régulièrement d'ici la fin de saison, il a une chance. S'il n'y parvient pas, non, il ne méritera pas sa place. Ouais, c'est ça, je suis assez d'accord, parce qu'effectivement, est-ce qu'on en est à une période... Enfin, c'est compliqué de juger, parce qu'Albon 7e sur ce week-end-là, c'est super. Après, on nous avait promis, évidemment, que la Williams allait être très bonne sur ce circuit. Mais maintenant, moi, je commence à me poser la question, vu qu'il marque, je crois, sur la première moitié qu'on a eu de saison, donc en gros, on en a quoi, 14 Grands Prix de fait maintenant, ouais, c'est ça. Donc sur les 7 premiers Grands Prix, Albon marque 1 point, et sur les 7 derniers Grands Prix, il en marque 20. Donc moi, je serais quand même tenté de me dire, est-ce que la Williams n'a pas fait un vrai pas en avant, et n'est pas une vraie voiture maintenant de fond de top 10? Ah bah, c'était sûr. Ah bah, Albon, c'est du coup top 10 à Silverstone, Zandvoort et Monza. On peut difficilement faire plus différent entre les circuits. Zandvoort, c'est ce qu'elle est fille de quatrième. Voilà, et sur les trois circuits qui sont très différents, comme on l'a dit, il a été là à chaque fois. Donc oui, Williams, c'est clairement une candidate au point pour moi pour la fin de saison. Donc effectivement, est-ce que maintenant, du coup, Albon surperforme? Est-ce que Sargeant sous-performe? Est-ce qu'elle a été tente les deux? Ça, c'est toujours un peu difficile à trouver. Maintenant, moi, là où je l'ai trouvé très bon, Albon, c'est sur ses premiers tours. Parce qu'effectivement, à partir du moment où il est devant, la Williams, c'est un avion de chasse en ligne droite. Lui, on sait qu'il sait gérer très bien les pneumatiques et défendre sa position, il n'y a aucun problème. Et lui, ça devient quand même une spécialité Albon maintenant, hein, de ne pas se faire doubler. C'est quand même quelque chose qui est assez fort. Canada, il fait pareil, 7e, exactement de la même façon. Mais son départ et son premier tour où il va reprendre la place de Piastri, ça, je trouve que c'est très fort. Parce que, enfin, très fort, c'est pas non plus, ça va, hein, c'est un pilote de F1, il fait un dépassement. Mais là, il a montré quand même la hargne nécessaire, il a montré qu'il peut aller chercher. Tu vois, c'est quand même des choses qu'on a besoin de voir. Dans... Mais ouais, c'est comme ça remonte à Zandvoort. Zandvoort, il se fait, il reste en pneu slick sur le premier relais. Il repart de très loin, il remonte jusqu'à la 8e place sur un circuit qui n'est pas pour Williams au départ. Donc, le problème de Sargent aussi, c'est qu'on sous-estime, je pense, énormément ce que peut faire Alex Albon. Là, Albon, il a trouvé le bon environnement pour lui. Je pense que la voiture lui ressemble de plus en plus parce que bah, les évolutions qu'ils ont cette année, ça vient du début de saison quand Sargent était intégralement débutant. Et la voiture de cette année provient d'une voiture l'an dernier qui a été développée par Albon et Latifi. Désolé, mais elle a été surtout développée par Albon, je pense. Enfin, je veux dire, Latifi, je pense pas que, entre le peu d'avenir qu'il avait et la galère qu'il avait l'air de vivre au volant de cette voiture, je pense pas qu'on lui a laissé beaucoup voir au chapitre pour le développement. Bah non. Donc, je pense qu'Albon est dans une fenêtre de fonctionnement optimale entre lui et sa voiture, et que c'est dur pour Sargent, parce qu'effectivement, Sargent ne fait que 2 qualifs en dessous des 3 dixièmes derrière Albon, donc c'est quand même très peu. Le plus petit écart entre Albon et Sargent, c'est au premier Grand Prix, c'est moins de 2 dixièmes, sinon c'est plus de 2 dixièmes sur une autre course, et après c'est je crois 10 courses au-dessus de la moyenne de demi-seconde, donc c'est quand même difficile en termes de rythme. Pour autant c'est un débutant, il est jeune, il n'est pas expérimenté, et c'est vrai que William se dit peut-être qu'ils auront tout intérêt à garder au moins une deuxième saison, parce que s'il y a un déclic, il y a peut-être beaucoup de potentiel. Et puis c'est vrai que bon, après à part Schumacher, éventuellement, il n'y avait pas non plus beaucoup de volants qui font rêver. Quoi. Michael nous dit, Joe, en difficulté chez la Formule 1, le bac à Williams peut être une solution. Bah non, parce qu'à partir du moment où un pilote payant est en difficulté parce que ses sponsors ne payent pas, il va pas se trouver un bac ailleurs où il va pas payer. C'est ça. Et je pense que Joe, malheureusement, on a montré beaucoup de positifs sur lui, mais... Là, ça plafonne déjà un peu. C'est un peu compliqué dans les derniers Grands Prix. Il y a des crashs et tu commences à te dire, je pense qu'il était proche de cette frontière entre le pilote payant et le pilote payé, tu as été proche de pouvoir basculer d'une catégorie à l'autre. Non, mais je suis très sérieux, Paul, en plus, hein, t'étais même pas. Oui, je sais. La formulation m'a fait rire. Oui, la formulation était assez bizarre. Il était toujours entre le ridicule et le mauvais, mais, mais tu vois, je pense qu'il était vraiment proche de cette frontière-là, mais qu'il n'a pas réussi à faire le step dans l'idée de tous les teams principales, on va dire, de vraiment être pilote maintenant, qu'on peut payer et on n'a plus besoin de compter sur les millions qu'il apporte. On me dit, Misram me dit, je vois sûrement parler de Tsunoda chez Williams et Lawson chez AlphaTauri. J'y crois pas. Je vois, ça me paraît compliqué. Là, ce serait... Tsunoda, il va rester chez AlphaTauri. Ce serait une gestion brouillonne de Red Bull, là, quand même. Ouais. Et Tsunoda, ils vont pas l'avoir fait rester 3 ans. C'est soit ils vont le dropper, soit ils vont l'envoyer chez Red Bull à un moment ou à un autre. Faut pas se leurrer. Pour moi, non, par contre, je voulais rajouter pour Sargent, James Vowles et surtout Dave Robson ont dit que Sargent n'avait pas le même moteur que, enfin, n'avait pas un moteur neuf contrairement à Albon, puisqu'il y a un décalage par rapport aux arrivées de nouvelles spécifications, et surtout qu'il n'avait pas le même aileron avant, puisque Williams ayant eu l'expérience de ses accidents à Zandvoort, même si un des deux n'était pas de sa faute, ils ont décidé de jouer la prudence et de ne pas lui donner la pièce la plus récente parce qu'il manquait de stock. Donc il dit, bon, après il quantifie la perte à 1/10, donc on n'y est pas non plus pour Sargent quoi qu'il arrive. Mais ça montre aussi que voilà, il y a une grosse prudence, et à la fois je pense qu'on lui met pas trop de pression non plus. J'imagine que si Williams lui met une voiture moins bonne, c'est pas que pour lui dire tu la mérites pas, c'est plutôt pour lui dire on va pas te mettre la pression de si tu pètes l'aileron, c'est foutu pour nous, tu vois. Donc on va pas faire comme chez Haas où on va casser 2 fois le nouvel aileron en un week-end. Là au moins on prend pas le risque. Et je pense que cette équipe Williams a l'air de fonctionner sous énormément de bienveillance depuis que James Vowles est arrivé à la tête. Contrairement à ce qui était un peu le cas avant, il y avait un peu plus une culture un peu bourrine, j'ai l'impression, qui émanait un peu des années Williams. Et je crois qu'on a, vraiment une équipe Williams qui a changé de dynamique. Et je ne pense pas que Sargent soit sous une énorme pression. Je pense que s'ils doivent le dropper, ils le dropperont. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, ils cherchent à faire les choses de manière plutôt sereine avec lui. Et on ne lui met pas, la pression de fou par rapport à d'autres équipes. Quoi. Mais bon. Après, voilà, c'était pour préciser sur Sargent. Maintenant, c'est vrai que les écarts sont quand même colossaux face à Albon. Mais encore une fois, je pense qu'il faut qu'on n'oublie pas de ne pas sous-estimer Albon. Oui, je pense qu'Albon est quand même très bon. Nico dit Palou n'a plus de contrat avec McLaren. Arrêtez. Palou reste en IndyCar. Arrêtez de le vouloir en F1. C'est terminé. Qu'allez-vous faire d'un pilote sans le sou? Quand Zach Brown lui aura piqué tous ses millions, il n'y aura plus rien. Je rappelle que l'objectif de Zach Brown, patron de McLaren, est que Alex Palou recrée la scène, vous savez, dans La Soif de l'or avec Christian Clavier, scène où il prend ses poches et il les fait comme ça parce qu'elles sont vides. Bah, il veut faire la même scène avec Alex Palou. Et lui pourra évidemment ensuite faire comme cela avec les billets que lui aura donné le pilote espagnol. Bien sûr, bah tiens, justement, McLaren. Compliqué, hein. Là, honnêtement, bon, ça fait 8 et 12 ampères, ce qui est déjà pas génial en tant que tel. Et puis ça va jusqu'au contact. Contact miraculeux, parce que c'est les deux pneus qui se touchent. Stella n'était pas content. Hein. Il a dit que c'était inadmissible qu'il y ait un contact pareil, et je pense que le débriefing a dû être un petit peu salé. J'aime bien qu'il réagisse comme ça, Stella. Parce que c'est précisément ce sur quoi on attendait. Savoir comment il pourrait gérer une situation de tension, une situation de risque. Visiblement, qui tape du point de vue sur la table, c'est inattendu, je vais être franc, mais c'est pas mal. C'est pas mal, du coup, c'est bien. Pour moi, il prouve course après course et semaine après semaine que c'est un bon directeur pour McLaren. Il prend la voiture de Team Principal, en tout cas, j'aime bien. Oui. La voiture était moins bonne sur certaines courses. Excusez-moi, je coupe mon micro parce que j'ai littéralement Maverick Vinales qui tape ses meilleurs rupteurs en bas de chez moi là. C'est assez énervant. C'est très compliqué. Donc, pardon, Manu, je te laisse. Non, il n'y a pas de mal. On va laisser Maverick s'amuser. Non, mais c'est vrai que on attendait la McLaren un petit peu en difficulté. Et c'est vrai que personnellement, j'espérais des choses bien, mais en fait, oui, je peux oublier que c'est pas les meilleurs circuits pour la MCL60, les circuits rapides. Voilà, pour autant, ils marquent quand même des points. Et c'est un résultat qui, il y a à peu près 6 ou 7 courses, aurait été miraculeux pour eux. Donc c'est pas mal. Si ça, c'est leur mauvais résultat et leur grand après-midi de déception, moi, je suis preneur. Maintenant, c'est sûr que les voir se toucher. Et puis, après, alors, McLaren se met un peu tout seul dans la merde parce qu'ils font un undercut de Norris sur Piastri, alors que Piastri est en tête depuis le début et devant en qualif. Et ils undercut Piastri avec Norris parce que, soi-disant, ils ont peur d'Alonso qui est quand même à 4 secondes à ce moment-là. Donc, 4 secondes en un tour, on ne l'a pas vu sur les undercuts. On a vu 2 ou 3 secondes, mais vraiment à certains moments spécifiques de la course. Et du coup... Ah, allô ? Ah. Ah, on a... Attendez, parce que l'image est très rigolote. Hein. Évidemment, vous pouvez... Ah, c'est bon, Manu, ça a coupé pendant environ 20 secondes. Donc... Vous m'entendez ? Oui. Ah, bonjour. Non. Du coup, bah, je ne sais pas où vous avez arrêté, mais non, je disais qu'en fait, Piastri se retrouve avec les pneus durs et froids en ayant été, donc subi l'undercut, en fait, un peu injustement, puisque McLaren dit qu'ils font l'undercut parce qu'Alonso était derrière Norris et que ça les inquiétait, mais il y avait la place, entre guillemets. Et à part ça, pour autant, c'est un petit peu dans cette situation-là que Piastri surréagit en fait en sortant des stands en voyant que Norris est à sa hauteur et qu'il veut absolument rester devant. Donc bon, après ils envoient un pilote de 22 ans et de sa première saison à l'undercut, enfin se faire subir un undercut et ressortir de côté de son équipier. C'est un peu eux qui se sont mis dans cette situation et Stella a dit que si c'était leur faute et que l'undercut n'était pas une bonne idée et que c'était une erreur, ils reverraient aussi la manière de ne plus se mettre dans cette situation. Donc là-dessus, l'équipe prend sa part de responsabilité et c'est très bien aussi de la part de Stella de dire ça. Et je pense que ça va avoir minimisé les accusations envers les pilotes au moment du débriefing, puisque Piastri aura sûrement dû à dire, moi j'aurais voulu rentrer en premier puisque j'étais devant, et à juste titre. Donc voilà, je pense que c'est un peu ce qui peut sauver les pilotes d'une grosse engueulade. Oui, en fait, c'est un peu une erreur de communication, parce que bon, clairement, c'est pas la première fois ces dernières courses que McLaren avantage Norris sur Piastri, parce qu'il a plus de rythme en course, donc en soi, il n'y a rien de scandaleux à ça. Il aurait fallu une communication, on prévient Piastri, bon, on arrête Norris avant pour qu'il ait une chance face à Albon un peu plus tard, et après, il peut faire un pacte aussi, s'il ne dépasse pas, il rentre en position, quelque chose comme ça, mais une position claire, encore une fois, un côté professionnel dans la façon de faire les choses, parce que je suis d'accord, on met le Piastri dans une situation entièrement défavorable. Si on veut vraiment que Norris le dépasse, on dit à Piastri, tu ne luttes pas contre Lando à la sortie des stands, tu laisses une longueur de voiture pour qu'il puisse négocier le virage et tu te ranges derrière lui. Point final, il n'y a pas de souci, si Norris est plus rapide, c'est justifié. Mais là, je suis d'accord, on le jette un peu, on le jette un peu par la fenêtre, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on lui a fait encore une fois un peu à l'envers. Autant c'était justifié sur d'autres courses, autant après, le pire, c'est que Norris est resté bloqué tout le Grand Prix derrière, euh, derrière Albon, et qu'en plus, le pauvre Piastri, bah, il se fait quand même accrocher par Hamilton, sinon ça fait les deux McLaren dans les points. Enfin bref, comme tu disais, Manu, si c'est leur pire week-end d'ici la fin de saison, on pourra sûrement dire la même chose d'autres équipes un peu plus tard, ça laisse quand même augurer de grands prix un peu plus positifs pour eux, et pourquoi pas des gros résultats encore à décrocher quand même. Et honnêtement, à part Mexique et Las Vegas qui ont des longues lignes droites qui risquent de leur coûter cher, parce qu'il faut oublier que c'est l'équipe qui a les moins bonnes vitesses de pointe du plateau, il est probable qu'on voit beaucoup plus de résultats de type bah, comme Zandvoort ou quoi, où ça joue la première ligne, le podium, sans trop de soucis. Donc, moi, pour moi, dès Singapour, ils peuvent rejouer le top 5 sans problème et sur des circuits un peu plus sinueux, je pense à Interlagos notamment, ça va être... Ça promet d'être quand même pas si mal. Donc, je trouvais qu'ils se sont très bien défendus quand même, McLaren, là, parce que ça pouvait vraiment très très mal se passer, vu Spa. Donc ici, je trouve qu'ils sont effectivement très bien défendus. Ils ont dit que le packaging était vraiment meilleur, parce qu'ils ont fait un packaging spécial Monza, et que s'ils avaient eu le même packaging qu'à... Même package, pardon, qu'à... Spa, ils auraient eu un week-end beaucoup plus compliqué, des résultats beaucoup moins bons, ils n'auraient pas marqué de points. Ouais, en fin de compte, si on analyse les performances après la course, c'était plus ou moins la quatrième force quand même, malgré les difficultés. Alors pas sur toute la course, mais sur l'ensemble de la course, ils sont finalement quatrième force, quoi. Il leur a manqué de la vitesse de pointe pour passer Albon, mais en fait, McLaren était dans un mauvais week-end et était la quatrième force. Donc c'est vraiment rien d'alarmant. Et oui, on peut penser qu'ils vont se rapprocher du top 3 très très vite, voire être dans ce fameux top 3 dans les deux prochaines courses, Singapour et Suzuka, ça devrait bien leur convenir, oui. Je suis juste déçu pour Piastri parce que en fait Piastri fait ce qui est correct, c'est-à-dire que ce qu'il a fait face à Hamilton, c'est de dire non mais moi je reste sur ma ligne, basta. On laisse Hamilton gérer le truc, tu vois, lui Piastri il s'est mis contre la ligne blanche et il a tendu Hamilton hein, simplement. Et c'est lui qui en fait les frais. Alors que tu vois, il fait en fait il fait tout parfaitement pour qu'en plus Hamilton entre guillemets soit pénalisé parce qu'il aurait pu très bien, tu vois, partir dans l'herbe machin et continuer tout droit. Et donc Hamilton n'aurait pas eu de pénalité. Mais là, voilà, il se fait. Il est du coup. Il se retrouve pénalisé plus lourdement, évidemment, que ce que n'a été Hamilton. Alors que finalement, tout ce qu'il a fait, c'est rester sur la ligne en disant écoute, voilà, moi j'ai le droit d'être là, il n'y avait aucune raison. Donc c'est dommage, je trouve, pour Piastri. C'est vrai que c'est ce genre de choses où. C'est ce genre de contact où c'est toujours embêtant. J'avais vu le chat qui disait est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que ça vous fait pas un arrière-goût bizarre de dire qu'Hamilton prend 5 secondes de pénalité, il finit quand même 6ème, alors que Piastri a vu sa course ruinée? Ça, malheureusement, c'est le genre de choses où voilà, ça peut arriver. Après, normalement, on pénalise pas la conséquence, mais on en revient toujours au même point qui est que si, en fait, on pénalise la conséquence quand même, mais un petit peu. Et en fait, normalement, on pénalise pas la conséquence pour ne pas justement devoir jauger combien de places perdues, combien de points perdus, combien on doit mettre deux secondes et tout ça, parce que c'est impossible de mettre une pénalité rapide en sachant pas exactement combien va perdre le pilote. Et au final, on en vient à une FIA qui ne gère que les conséquences et du coup qui fait ça, mais à moitié. Donc, ça n'a à nouveau pas de sens. Et Tomidez a raison. Sa réaction après course était très mature et intelligente. Et c'est vrai qu'il a réagi alors qu'il aurait pu vraiment être. Pour l'instant, Piastri, au niveau com, c'est un faux pas. C'est un zéro faux pas absolu. Il y a vraiment une com hyper mature. Même hyper en piste, finalement. Ouais, même à la radio, il est calme et tout. Enfin, je suis impressionné par la maturité de ce pilote qui, je pense, devrait rapidement devenir plus contrôlable et plus contrôlé que Norris, qui perd un peu les pédales par moment, qui a lui-même dit qu'à chaque fois qu'il écoute ses radios, il dit « je passe pour un con parce que je suis beaucoup plus agressif que je pensais ». Interventeur dit « sauf contre Alpine ». Je trouve qu'il a géré de manière extrêmement mature le fiasco Alpine dans lequel il s'est retrouvé impliqué, pas de son fait. En plus, il a juste signé un contrat avec McLaren, enfin, je veux dire, il n'a rien fait de mal avec Alpine. Lui est dans son droit, donc à un moment donné... Il y a une équipe qui lui propose pas de contrat, une équipe qui lui propose un contrat, il va avec celle qui lui propose le contrat, je veux dire, au bout d'un moment... On pourra toujours revoir ce débat-là, mais on aura toujours la même conclusion à la fin. Ensuite, messieurs, après McLaren, Aston Martin, quel enfer. Ouais, ils étaient vraiment dans le dur, mais là encore, le constat va être un peu similaire, c'est-à-dire que c'était peut-être leur pire week-end d'ici la fin de saison maintenant. L'Aston Martin, on le sait depuis le début de saison, c'est les lignes droites et la vitesse de pointe, ça n'a jamais été son point fort. Là, en plus, les deux pilotes parlaient d'un manque d'équilibre total, peut-être que la voiture surchauffait ses pneus vu qu'il faisait chaud le dimanche, visiblement, c'était très désagréable à conduire. Mais voilà, encore une fois, si leur mauvais week-end, c'est de finalement quand même réussir à se qualifier en Q3 et à marquer des points, alors évidemment grâce à Alonso, qui encore une fois porte l'équipe à bout de bras. Là. Mais c'est vrai qu'au championnat, c'est pas sans conséquence, puisque bon, Alonso conserve, bon, ça va être dur de la garder, la troisième place au championnat pilote. Aston, par contre, va perdre une place chez les constructeurs. Et de plus en plus, on va devoir pointer du doigt Lance Stroll, je pense que je vais pas être le seul à vouloir en parler. Alors, je me permets quand même de rappeler qu'il a eu la pire préparation possible, Lance Stroll, c'est-à-dire en EL1, c'est Drugovic qui le remplace dans le cadre de l'un des roulages obligatoires pour un débutant par saison. En EL2, il y a un problème moteur, il roule pas du tout, il fait genre deux tours d'installation. Donc il a eu que les EL3, mais c'est vrai que se qualifier dernier avec la Aston Martin, certes sur un circuit qui ne réussit pas, et à je sais plus, 7 ou 8 dixièmes d'Alonso, il y a un énorme écart en Q1, ça reste une grosse contre-performance. Mais c'est pas sur ce week-end-là que j'ai envie de plus le tomber dessus, ouais. Au Canadien, parce qu'il a des circonstances, mais ça reste, voilà, ça reste un énorme écart. Voilà, moi, j'ai pas grand chose de plus à dire, on les a pas vus, une fois n'est pas coutume, on les a vraiment pas vus du Grand Prix. Mais si c'est, on espère pour en effet, leur pire circuit d'ici la fin de saison, ça laisse de quoi espérer, et notamment là, pour le prochain Grand Prix à Singapour, ce sera peut-être leur plus grande chance de briller d'ici la fin de l'année, on va voir. Bon, moi, je comprends pas, vraiment. Michael nous dit dans le chat YouTube, Stroll avec juste une séance d'essai, je peux comprendre le mauvais week-end. C'est Monza, les gars, hein. Les réglages, ils sont définis depuis 4 mois. Ouais. Et puis, il y a quand même ce circuit par cœur. Enfin, normalement, c'est facile. Ouais. C'est le circuit parfait pour justement avoir un week-end planté, on va dire, par des problèmes en qualif. Mais il se qualifie dernier. C'est juste que. J'ai pas complètement suivi le qualif. Moi, bon, d'accord, qui s'est qualifié dernier. Les qualifs étaient sur le sec. Alors, en pneus durs, certes, mais tout le monde avait les mêmes pneus. Tout le monde était là. Enfin, c'est juste. C'est 100% à la régulière. Ah oui, voilà, c'est 100% c'est à la régulière. Actuellement, ouais. Dernier. Avec une voiture qui. Certes, c'est pas le cas sur ce week-end-là, mais qui à un moment donné jouait presque des victoires. Donc, et de toute façon, avec une voiture dans laquelle ton équipier se qualifie en Q3. Donc, tu peux pas. C'est quand même très compliqué à justifier. On parlait tout à l'heure que certains se sont pris des valises. Stroll s'est pris vraiment de quoi partir 3 semaines aux États-Unis. Là, c'est... Il prend 8 dixièmes en Q1. 8 dixièmes à Monza, c'est indigne. C'est, ouais. Et je ne veux pas taper sur Stroll juste pour taper sur Stroll, mais tu n'as pas le droit de te prendre 8 dixièmes au tour sur un circuit comme Monza où tu as 3 freinages et 2 courbes rapides. Quoi. Ben c'est ça. En fait, tu as 6 complexes de virages à Monza, donc ça fait que techniquement, il prend un dixième et quasiment un dixième et demi à chaque virage. Quoi. Ouais, pour moi, c'est un peu le comment dire. Ce qu'on appelle le perfect storm chez les Anglais, c'est-à-dire le moment où tout se met en place pour que ça aille mal, en fait, pour Stroll. Mm. C'est-à-dire que c'est le week-end où EL1, il laisse sa place, EL2, la voiture ne va pas. EL3, il n'a pas le temps de faire les tests de simulation course et qualif à la fois, et il doit se qualifier en pneus durs qui ne sont pas faits pour ça. Et je pense que c'est déjà un format qui part... comment dire ? C'est la fête. C'est la taf, c'est génial. C'est un format qui, par essence, creuse déjà les écarts. Je suis en train de regarder les qualifications. Je vais voir ce qui se passe. Vas-y, Manu, continue. Je vous laisse gérer l'émission. Hein. Faites votre émission. Je voulais voir les écarts, en fait, sur le Grand Prix de Hongrie, quand est-ce qu'on a eu le même format de qualification. Mais je pense effectivement que ça creuse les écarts comme format. De toute façon, c'est vraiment pas facile pour les pilotes qui sont un peu moins bons par rapport à ceux qui sont très bons. Alonso, on sait qu'il est performant avec tous les pneus, qu'il est très facile à mettre dans une faille, il sait faire mettre la voiture dans la bonne fenêtre. Voilà, et on voit effectivement que pourtant sur le même format en Hongrie, il prend 2 dixièmes Stroll, donc il y a quand même il y a peut-être le fait de manque de préparation. Mais j'ai quand même l'impression que Stroll n'y est plus, personnellement. Je sais pas ce que t'en penses, Paul, mais moi, pour moi, j'ai l'impression que il y est plus, et en fait que j'ai l'impression qu'Aston Martin le garde de manière totalement consciente aujourd'hui pour une simple raison, c'est ne pas avoir un ATR trop mauvais. C'est-à-dire que on a une voiture avec Alonso qui fait des podiums, fait des points, fait des top 5, machin, fait le maximum, et ça fait vitrine. Et on a une voiture derrière qui marque pas de points ou très peu de points, et qui permet que Aston Martin finalement se retrouve 4e au championnat constructeur, là où elle devrait être 2e s'il y avait de Alonso dedans. Et du coup, ça fait 10% de développement en plus qui seront utiles pour la saison prochaine. Et en fait, je pense que Stroll va rester un an de plus pour ça. Avant de, si en 2025 ils ont des velléités de titre, ils changeront le Stroll pour avoir un autre pilote qui aussi sera chargé à la fois de marquer des points et à la fois de prendre le relais du poste Alonso qui pourrait arriver dès 2026. Donc, alors là, Alors là, Manu, si leur calcul, c'est de garder Stroll parce que grâce à lui, ils vont être suffisamment mauvais pour perdre 2 places au classement constructeur et avoir plus de temps de développement, ouais, c'est un coup de génie. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais le problème, c'est quoi? C'est que toutes ces années où on critiquait Stroll parce qu'il a été moyen, ça se voyait moins face à un Pérez et même face à un Vettel que face à Alonso déjà. Et surtout, c'est la première fois que l'équipe joue aussi haut, qu'il est dans une équipe qui joue aussi haut. Il y a eu, bien sûr, 2020 avec la Racing Point qui marchait très bien, mais c'était un contexte tellement à part. Et surtout, ce n'était pas avec la même constance que cette année. Là, c'est une voiture qui pouvait jouer les podiums plus d'une course sur deux cette année. Oui. Là, le problème, c'est que l'écart se voit trop. L'écart se voit trop. Et là, pour le coup, ce n'est pas pour jouer une 7e place au championnat constructeur, c'est pour jouer la deuxième, possiblement. Et là, il ne va plus y avoir d'excuses pour le défendre. Quand un pilote est mieux classé que son équipe au championnat, c'est quand même rare ici. Ben, la dernière fois que c'est arrivé, ben, ça devait déjà être Alonso chez Ferrari à l'époque où Massa était en perdition. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit quand même très rarement. Voilà. Et bah, il y a quand même un problème, même si c'est un avantage pour le développement de la voiture. Ah, mais... Aston Martin ne peut pas se permettre d'avoir un pilote qui marque 85% des points. Un point top team, c'est juste pas possible, quoi. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Moi, le premier, pour moi, Stroll, j'ai longtemps défendu, mais là, il est indéfendable. Depuis, on a l'impression que les voitures 2022 ne lui conviennent pas. On a l'impression qu'il perd l'envie, ce qu'il n'avait déjà pas montré énormément. Et c'est brutal face à un Alonso qui est excellent, en fait, qui est toujours excellent. Et ce serait brutal face à un Verstappen, ce serait brutal face à un Hamilton, et ce serait pas aussi brutal face à un Pérez, parce que le Pérez qui le dominait, alors pas si nettement en début de saison 2020, mais nettement sur la fin en 2020, se fait éclater par Verstappen. Donc on voit quand même, alors bon, les triangulations, on sait ce que ça vaut, c'est toujours un peu foireux, mais il y a quand même un fond de vérité, en tout cas une base sur laquelle se reposer, et ensuite il faut analyser plus profondément. Et on peut voir effectivement que Stroll, il y a un plafond de verre qui est présent depuis un moment, parce qu'il faut oublier que c'est sa 7e saison en Formule 1, donc c'est quand même énorme. Il est plus expérimenté que Russell, que Norris, qu'Albon. Voilà, c'est quand même un pilote qui est vraiment bien expérimenté maintenant. Donc en fait, il est déjà à son plafond de verre, et on voit que le plafond de verre, le gros problème, c'est que quand la personne à côté n'a pas vraiment de plafond, et ben le plafond de verre, tu le vois très très rapidement. Donc il n'a pas eu de chance en début de saison avec sa blessure, avec la casse moteur à Jeddah et tout ça. Mais je trouve que depuis quelques courses, il n'y est, mais plus du tout. Depuis après le Canada, je dirais. Je crois que j'ai l'impression que la Grande-Bretagne, Hongrie, Belgique, et maintenant Pays-Bas Et moi, Italie. et Italie, il n'y est plus. Alors, Italie, bon, je vais encore lui. Voilà, je suis un peu tombé dessus sur les réseaux sociaux. On m'a dit oui, mais il n'a pas eu le week-end facile. Bon, certes, j'ai quand même répondu comme toi, Michael, c'est Monza. C'est pas Monza. De Vries décroche un baquet sur un 2 jours à Monza. Donc, au bout d'un moment, on peut y faire des miracles, même si on n'a pas d'expérience. Et c'est pour ceci qu'on y reviendra après. Il faut être prudent sur la performance de Lawson. Mais voilà, après, Alex a raison dans le chat. Le gros problème, c'est la com chez Aston Martin. C'est genre, oui, mais non, l'écart n'est pas énorme. Si, l'écart est gigantesque. Il est gigantesque en temps, il est gigantesque en points, il est gigantesque en ce que représente le pilote dans l'équipe, en ce que dégage le pilote dans sa motivation. Il y a un écart, c'est pas le même monde. Mais en fait, pour moi, je pense pas que Lawrence Stroll soit à ce point-là biaisé avec son fils. Et du coup, je pense vraiment que tant que l'équipe ne vise pas les victoires et n'a pas vraiment de chance d'être championne du monde, pour l'instant, l'objectif, c'est les podiums et un jour une victoire avec de la chance. Alonso sait faire ça, il saura faire tout seul. Donc, en fait, ils ont ce calcul qui fait dire, bah écoute, le fils fait encore une saison ou deux de plus, et pendant ce temps-là, c'est un avantage au développement. Et moi, je reste convaincu. En fait, je vois pas d'autres solutions pour lesquelles Lance Stroll est encore en place. Parce que voilà, encore une fois, j'ai beaucoup défendu, mais ces saisons 2022-2023 ne sont pas bonnes. Donc il y a enfin, en 2021, il arrivait encore à me convaincre chez Aston Martin de certaines très bonnes performances. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est effectivement le gros problème. Là, pour Stroll, moi, je suis désolé. Là, ce week-end, voilà, bon, effectivement, on met Drugovic dans sa voiture. Il n'a pas d'essai libre l'après-midi, mais Monza, tu es censé pouvoir venir. On claque des doigts et ça marche. Et ce ne fut pas le cas. Je suis désolé, mais avant de parler de l'équipe suivante, breaking news. Il faut savoir sortir les infos chaudes, bien sûr, quand elles sont là. Vous avez remarqué, quand je prends le ton de Nelson Montfort, hein, je vois tout de suite, ça s'affiche, ça s'agite là, chez Manu tout de suite, attention. Non, rassurez-vous, c'est une connerie, hein, mais faut quand même se faire plaisir. Breaking news, tombe sur un article du site spécialisé Eurovoix, qui est spécialisé en Eurovision, vous en faites pas, hein. Monaco donc pourrait participer à l'Eurovision 2024. Réponse d'un Monégasque, qui s'appelle Charles Leclerc. Je suis prêt. Emoji en forme de micro. Donc voilà, peut-être qu'il en a effectivement eu marre de la Scuderia et qu'il va peut-être falloir y aller. Il serait peut-être temps. Si Charles Leclerc fait l'Eurovision, c'est la consécration de ta chaîne. Ah mais alors là, là vous n'imaginez même pas. Là c'est... Parce que là, là le truc, bon, Monaco doit faire une finale, mais imaginez, Monaco se qualifie en finale, il les fout en dernier à passer. Vous êtes tous là à dire, ah bah je vais regarder l'Eurovision, il y a Charles Leclerc, j'espère qu'il passe vite. Il passe après 2 heures de show. Vous allez vous taper 2 heures d'Eurovision avant de voir Charles Leclerc chanter. Alors là, s'il gagne l'Eurovision, alors là, là, c'est... Il reviendra chez Ferrari acclamé par... Il va vraiment être acclamé par l'équipe, parce que bon... Il aurait gagné l'Eurovision par Grand Prix, si tu veux. Donc il va revenir, ils vont lui dire oui, Carlos aurait fait mieux, donc au bout d'un moment... Carlos, il aurait gagné avec plus de points d'avance. Mais Carlos, bon, il aurait plus eu la voix de tête à la fin. Il n'aurait pas déraillé, mais voilà, en tout cas, ce serait fameux. Ah, c'est... ah, ce serait incroyable. Ce serait le crossover. Parce que surtout qu'à partir du 1er septembre, vous avez le droit de sortir une chanson et qu'elle soit éligible. Donc là, Charles Leclerc a potentiellement encore 8 grands prix de merde qu'il peut avoir, sur lesquels il écrit un truc super émouvant au piano, il pose sa voix dessus, il envoie ça à Télé Monégas, qui s'inscrivent et c'est bon. Hein. C'est gagné. Bien sûr, s'ils veulent vraiment un Monégasque, c'est tout. Et ce soir pour Monaco, Charles Leclerc nous chante son titre « I'll come back to you ». Et le refrain, c'est « Box, box ». C'est assez... C'est compliqué. Donc voilà, désolé. Mais l'actualité, parfois, évidemment, reprend le pas sur le débrief. Et j'espère évidemment que l'Excel Auto y consacrera un long article demain matin. Alfa Romeo. Alors, il y a un point. Donc, déjà, c'est la Fiesta. Et il y avait une jolie voiture. Donc, vraiment, week-end particulier pour Alfa Romeo, week-end peu habituel. Oui, ça change. Mais déjà, il y a un point, c'est que la troisième fois de l'année qu'il y a un point, donc c'est bien. Et oui. C'est une bonne chose. C'était plus arrivé depuis le Grand Prix du Canada. Après, bon, c'est pas non plus... Non, c'est la quatrième fois de l'année que ça arrive. Cinquième fois, non, c'était juste pour Bottas, c'était la troisième fois, pardon. Mais effectivement, c'était plus arrivé depuis le Canada, donc c'est quand même une bonne chose pour eux. Pour autant, c'était pas non plus un miracle. Cela dit, c'est bien marqué un point quand on a connu un week-end comme le leur, puisque vendredi matin... Les deux voitures manquaient de tenue de route. Ils ont ramené les deux voitures parce qu'il y a des problèmes au stand. Enfin, c'était une calamité absolue. Et ils ont réussi à bien remonter la pente jusqu'à se qualifier correctement. C'était pas non plus miraculeux, mais c'était une Q2 pour Bottas et marquer un point. Donc, c'était un plutôt bon week-end sur un circuit qui n'était pas forcément... Alors bon, ils ont un moteur Ferrari, mais c'était pas le circuit où ils attendaient en mode miracle, quoi. Donc, c'est pas mal. Le dimanche, c'est surtout la stratégie en fait qui a été très bonne du côté d'Alpha. Bottas faisait partie des 3 pilotes équipés de dur au départ, et en fait, ça lui a permis, quand les autres se sont arrêtés, d'avoir de l'air propre pendant très longtemps en prolongeant son premier relais, et d'avoir des médiums plus frais, plus performants en fin de course face à des adversaires en dur. Donc, stratégie bien exécutée. Voilà, le rythme en effet pas extraordinaire. Guan Yu Zhou, pas grand chose à dire. En fait, c'était soit l'un soit l'autre qui avait la bonne stratégie. En l'occurrence, ça a été Bottas, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Par contre, revenir à un point de Haas, c'est intéressant. Parce que Haas, ça va quand même, on va en parler plus tard, mais ça va être très dur de marquer un seul point d'ici la fin de saison. Et je pense qu'Alpha peut, en grattant encore un ou deux top 10 d'ici la fin de saison, pourquoi pas ravir la 8e place à Haas, sachant qu'Alpha Touré est à 3 points, est quand même vraiment loin. Et que Williams, pour le coup, est trop loin devant maintenant. Ça, c'est clair. Mais la 8e place, à mon avis, elle peut être pour eux s'ils arrivent à faire encore un ou deux. Voire 3 week-ends un peu sérieux d'ici la fin de saison. Parce qu'on voit que quand ils exécutent bien une course, il n'y a pas toujours besoin d'avoir la voiture la plus rapide. Parfois, il faut juste avoir la bonne stratégie. Et je tiens à dire aussi que ce pauvre Guan Yu Zhou se fait niquer son dernier tour par Carlos Sainz. Puisque j'ai oublié une action, mais en fait, Sainz glande au milieu de la ligne droite entre Ascari et la parabolique. Donc, Zhou le passe. Et d'un coup, Sainz se rend compte qu'il se fait dépasser. Donc, il fait un freinage à la parabolique, à Zhou. Et en fait, les deux sont trop lents dans la parabolique. Et Zhou dit qu'il se fait niquer son début de tour comme ça. Donc, et ça lui coûte quand même sa Q3, du coup. Sa Q2, pardon. Donc, voilà, c'est un peu dommage pour lui. Maintenant, il était derrière Bottas, quoi qu'il arrive. Et il fait globalement un moins bon week-end que Bottas, qui mérite le point qu'il marque. Mais, C'est bien quand même Sainz qui embête tout le monde. Ah bah il n'y a pas de jaloux. Hein. C'est prodigieux. C'est quand même assez, assez sympa. On dit les Alfa Romeo en dur, c'est vraiment performant, il faut se rendre compte. Ouais, mais c'est ça, eux ont bien réussi à gérer tout le type de pneus, c'est important aussi. Là où Ferrari, je compare pas les perfs, hein, mais là où Ferrari par exemple peut avoir du mal sur certains types de gomme et surtout en fin de relais, ici au moins Alfa Romeo s'en est sorti pas mal, donc c'est bien. Effectivement, c'est le seul moyen de toute façon pour eux de se démarquer, c'est essayer de faire des stratégies qui fonctionnent. Ça a marché ce coup-là, bah voilà, c'est une bonne chose. Après, à un point, on les verra pas marquer beaucoup plus, à mon avis, d'ici à la fin de l'année, et c'est compliqué pour eux. Et une très belle livrée, comme tu l'as dit. Voilà, la voiture était au moins très jolie. Singapour, ils en remettront certainement la livrée habituelle. Hein. Ça ne marche pas très bien. Kick à Singapour, ça va, on n'a pas trop de... on n'a pas trop de risques, j'espère. Ce serait sympa. Alpha Tauri, eh ben Alpha Tauri, ça fait quand même 11e pour Lawson, donc... Des regrets. Sur le plan du résultat pur, bravo, mais effectivement, des regrets quand tu vois ce que Tsunoda... aurait pu faire vu la prestation de Lawson. En plus, c'était bien qualifié les deux. Hein. L'Alfa Tauri quand même marchait plutôt bien. 11 et 12. 11 et 12, ouais. Et Tsunoda qui ne prend donc pas le départ suite à une casse moteur dans le tour de chauffe. Ça, c'est vraiment dommage. En fait, c'est exactement comme Williams l'an dernier, même si là, en fait, l'an dernier, Williams a eu la chance de pouvoir remplacer le pilote qui a eu une merde et son remplaçant marque des points. Mais là, c'est le même, c'est un peu le même style. C'est dommage. C'est vraiment dommage pour Alfa Tauri parce que. Ils en ont besoin hein, dans cette saison qui est très compliquée. Quand je vois la course un peu brouillon de Lawson quand même et le fait que globalement Tsunoda semblait quand même plus rapide, je pense que Tsunoda fait, à mon avis, fait 9e quand on voit les positions de départ et tout ça. Donc, je pense qu'il aurait concurrence à Alonso. Ouais, hein. Ça, l'Alfa Tauri tournait bien hein, ce week-end. Il y avait vraiment de quoi jouer les points. Après, je vous ai trouvé un tout petit peu dur tout à l'heure avec Lawson en disant que c'est Monza donc c'est plus facile de s'adapter, certes, mais quand même. Alors, je n'étais pas là la semaine dernière, moi je l'ai trouvé héroïque à Zandvoort quand même, sans aucune préparation et sans une seule séance sur le sec, c'était franchement admirable. Et là, je trouve quand même que il fait le taf, quoi. Alors, il rate un peu son départ, mais il termine 11e avec une stratégie à deux arrêts, donc c'est quand même à souligner que c'est solide, quoi. C'est un mec qui aura tout à fait sa place en Formule 1, j'ai l'impression. Ce qui est bien, ou pas bien, on verra pour lui, c'est qu'il a encore quelques courses pour confirmer ça, puisque Ricciardo devrait. Pas revenir avant fin octobre, hein, c'est ça, ou début octobre, je sais plus. Après, oui, début octobre, normalement, il aura au moins Singapour et peut-être le Japon. Ouais, c'est ça. Donc, ça va donner à Lawson, sur deux circuits particulièrement exigeants et sélectifs, en plus, contrairement à Monza, de pouvoir justement montrer que, oui, en effet, il a pourquoi pas de quoi prétendre un bac à l'avenir. Ouais, non, après, moi, je suis d'accord sur le fait que ce qu'il a fait, c'est très bien. Tu as raison, il est le premier pilote au classement à avoir fait deux arrêts, donc ça aussi bien joué à lui. C'est le meilleur des pilotes en deux arrêts. Il est rapide, effectivement, il doit quand même composer avec un format de qualification qu'il ne connaît pas. Donc c'est pareil, c'est ce week-end qu'il découvre les tours rapides sur le sec, il découvre les tours rapides en pneus durs, il découvre les tours rapides en pneus médium, donc c'est vraiment quand même quelque chose de très solide. Et globalement, c'est du très positif. On verra ce qu'il va faire à Singapour. S'il est à Suzuka, il connaît très bien le circuit puisqu'il a fini quatrième en Super Formula là-bas cette année. Donc, on peut envisager que Lawson puisse compliquer l'affaire de Ricciardo s'il confirme les bonnes dispositions dans lesquelles il est. Puisque moi, clairement, entre un Lawson qui a l'air d'avoir un potentiel très bon et s'il arrive à montrer sur les deux courses suivantes qu'il a un vrai potentiel à développer et qu'il ne semble pas avoir de limitations, versus un Ricciardo qu'on a un petit peu essoré dans tous les sens et tout ça, c'est pas Ricciardo que je mets dans la voiture pour 2024. Alors certes, un duo Tsunoda-Lawson, ce serait un peu short. Pour autant, est-ce qu'un duo Tsunoda-Ricciardo serait beaucoup moins short? Pas sûr. Côté médiatique aussi, Manu, quand même pas oui. À souligner. Ce que Ricciardo apporte en termes d'image, Lawson, malheureusement, il en est encore très bon, évidemment. C'est vrai. On nous demande, mais non, Bottas n'a fait qu'un arrêt. Nitram demande deux arrêts. Non, ouais, c'est bien. Lawson est premier en deux stops. Il y a eu Lawson, Gasly, Joe, Magnussen, Hülkenberg et Piastri. Et il termine à 6 secondes de Bottas. Et on me dit, il y a une erreur sur le bandeau, c'est pas DNF, mais DNS. Arrêtez. Parce que si un pilote ne prend pas le départ, il n'est pas l'arrivée. C'est vrai de dire qu'il ne finit pas le Grand Prix. Donc, il n'a pas fini. Basta. Mince. Ouais, Lawson en fait. Alors, j'ai vu, il y a eu un beau dépassement sur une Haas. Je ne sais plus si c'était Magnussen ou Hülkenberg, mais il a fait un beau dépassement un peu à la Ricciardo en plongeant très tard, de très loin. Bon, Est-ce que les pilotes AS n'étaient-ils pas là pour faire du tourisme? Ça, c'est une question à laquelle nous répondrons tout à l'heure. Les F2, en train de Grand Prix, c'est les F2. C'était quand même compliqué, ouais. Mais au moins, voilà. T'as... En fait, c'est bête, mais tu sens que pour un pilote qui découvre comme ça, c'est bien d'avoir ce genre de truc où tu peux... En fait, pour faire cette manœuvre-là, il doit quand même avoir de la confiance dans la voiture, donc qu'il puisse l'avoir en un week-end et demi, c'est pas mal, ça montre déjà de belles choses. J'ai hâte, comme Manu l'a dit, de voir effectivement ce que va faire... Que va faire du coup Lawson à Suzuka, qui est un circuit qu'il connaît, avec une super Formula qui, rappelons-le, reste la deuxième monoplace la plus rapide au monde. Donc, c'est ce qu'il y a de plus proche d'une Formula, finalement. Ouais. Donc, c'est pas mal. Le problème pour lui, c'est Singapour, ça va être très compliqué. Ah, Singapour, ça peut être compliqué. Mais je pense sincèrement que s'il s'en sort bien à Singapour, on peut commencer à envisager de bonnes choses pour l'avenir pour lui. On nous a dit effectivement, c'est vrai ce qu'il dit, Lawson a mis deux courses pour faire de meilleurs résultats que De Vries et Ricciardo réunis. À quand le panic buy de Toto Helmut qui se dit, bon Dieu, il faut absolument... Là, ça va, il n'a pas besoin de l'acheter, il est déjà à lui. Donc ça, c'est l'avantage, il faut juste mettre le pion... Le panic placement. Voilà, le panic placement au bon endroit, mais... à voir. Après, je pense qu'il n'a non plus pas vraiment de pression à se mettre, parce qu'à part ce week-end où effectivement AlphaTauri pourrait faire quelque chose, à Singapour, ils vont être... Mais... Certainement à la ramasse. Enfin, la ramasse, la fameuse ramasse où Tsunoda peut marquer un point sur un accident, quoi. Mais, enfin, sur un malentendu. Mais sinon, voilà, il a pas non plus. Il sait qu'il n'a pas la meilleure voiture du plateau, donc il n'a pas à avoir de crainte, je pense, quant à faire de bons résultats. On l'a vu, Alex Tablag. Hein. Il vient peut-être pas en audio, mais il nous l'écrit, hein, le Lawson qui va ouvrir. Quelle infamie, ça fait. Nitram est très clair. Hein. Lawson à Suzuka, c'est P5 minimum. Oh oui, facilement. Bah, si deux pilotes ne décident pas de se servir de Lawson comme tremplin au départ. C'était à Motegi, ça va. Oui, c'est pas pareil, oui, ça va. C'est... Comment ils ont plusieurs circuits au Japon, ils ne font pas Suzuka 7 fois dans l'année, je ne comprends pas. Je pensais qu'ils les inventaient tous sur Gran Turismo, moi je comprends pas. Ah oui, Sugo, tout ça n'existe pas, enfin, arrêtez Tsukuba. Qui appellerait son circuit Tsukuba, si vous... Tous ces circuits existent vraiment. Alors, Grande Vallée, du coup, tout ça, le high speed ring, machin, ça n'existe pas. Vous rassurez, peut-être vous l'apprendre. Alpine. Ouais. Bah, ils étaient là. Aïe. Oui, ils sont venus au moins, ils ont pas fait l'impasse. Ils ont participé. Ils auraient peut-être dû. Alors, grâce à leur qualif désastreuse de Bakou, leur qualif désastreuse de Monza n'est pas la pire de la saison. Ce qui est pratique. Ils faisaient 17-19 à Bakou, ils font 17-18 à Monza. Mais à Bakou, c'était à cause de problèmes mécaniques. Mais je crois l'avoir entendu en fait pendant le Grand Prix. Non, pendant les qualifs. Le chez de Otmar Szafnauer, je l'ai entendu jusque chez moi, je crois. Vous voyez qu'il y a votre moteur de merde. C'était vraiment... parce que là, Nitra me dit premier degré, j'avais oublié Alpine. Moi, je ne les ai pas vus du Grand Prix. Et c'était pas grave. Ils m'ont pas manqué. Si, on a vu Ocon quand Russell a coupé la chicane. Oui, oui, encore, tu peux te dire avec le soleil, oui, c'est Red Bull. C'est l'espèce de plot bleu au milieu, là. Je comprenais pas. J'avais pas du tout compris. Ah, les pauvres. Non, mais ça a dû être... Alors, par contre, pour les pilotes, vivre un week-end comme ça, ça doit être un enfer absolu. Bah, pour Gasly, qui passe de podium à 15e. C'est ça, c'est quelques jours après avoir brillé. Parce qu'on parlait d'Aston Martin et McLaren qui ont été sur un circuit plus difficile, mais là, Alpine, ça a été dans des proportions énormes, parce qu'à Zandvoort, Gasly était plus rapide que Sainz, quoi. C'est du base jump, hein, le truc, quand même. En quelques jours, il passe du plus rapide que Sainz à peiner face au As, quoi. Donc, c'est vraiment chaud, quoi. Mais bon, là encore, là où j'ai envie d'être optimiste pour eux, c'est de se dire, bon, c'est peut-être pour eux aussi, comme pour Aston et McLaren, encore une fois, la pire course, peut-être, d'ici la fin de saison. Mais bon, c'est vrai que là, ça ne va pas faire du bien moral. Ah bah non, là j'imagine que ça va être difficile pour eux. Chez Alpine, on peut quand même se rassurer. Il y a le GP Explorer ce week-end, ils ont 4 voitures, donc voilà, il y a moyen d'aller chercher des résultats. Mais plus sérieusement, on est d'accord. Enfin, moi, j'ai appris l'abandon d'Ocon sur le Twitter de l'équipe. Bah moi, j'ai vu le retire d'en bas sur le live timing et je crois que Gaëtan Vigneron en a parlé. Oui, ils en ont parlé furtivement comme ça, mais j'avais vu le tweet à ce moment-là, mais après, ils ont évoqué, mais vraiment en 3 secondes, j'ai dit « Ah, c'est dommage pour Esteban ». C'était en même temps, quand tu passes le week-end dans l'anonymat, c'est normal d'abandonner dans l'anonymat aussi. Et puis je pense qu'il a abandonné à un moment où il y avait des luttes en piste, en plus, entre les pilotes Ferrari, soit entre Pérez et les Ferrari, je crois que c'était plutôt ça. Pérez contre les Ferrari, donc il y avait des choses plus intéressantes à montrer. Oui, très clairement, non, mais c'est. Mais ouais, comme dit Alexandre, l'an dernier, Alonso fait 6e en qualif avec l'Alpine, à Monza. Et en un hiver. Ah, bah oui, moteur, bah, l'année dernière, c'était l'inverse. C'était les circuits à haute vitesse qui leur convenaient. Ouais. Et là, c'est oui, ces dernières années, c'était le cas. 2020, rappelez-vous, 2019-2020, avec Ricciardo aussi, qui faisait des super perfs. Et là, ils ont. C'est pas Alpine, ça, c'était Renault. Oui, c'est pas la même équipe, pardon. Mais... Ça n'a rien à voir. Je ne connais vraiment pas les fins. Puis un peu. Mais là, je sais pas, c'est. Alors, Gasly dit que les problèmes, on sait pourquoi et on savait avant, donc c'est positif, mais ça doit quand même pas. Voilà. T'arrives vraiment en traînant des pieds, là, je pense. Tu te dis, bon, bah, ça va pas. Parce que tu n'as rien de positif à tirer d'un week-end comme ça. Non. Tu non. peux avoir des équipes où, par exemple, As, tu vois, bon, ils savent que tous les week-ends, ils peuvent bien entrer dans des pieds, mais il peut se passer un truc, il peut. Mais là, tu sais très bien qu'Alpine, même si, par chance, ils marquent un point, tu peux pas te satisfaire d'un point. Tu peux pas être content d'une prestation pareille. Donc là, tu vas juste entrer dans les pieds en disant allez, on va faire le moins pire possible. Et c'était terrible. Et puis, en fait, devant eux, entre eux et les points, il y a 4 équipes différentes. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, ils sont vraiment, littéralement, ils sont 9e force du plateau ce week-end. C'est ça le gros problème. C'est pas, tu sais, des fois, on dit putain, Aston fait un mauvais week-end, ils sont 6e force. McLaren, en début de saison, était 7e force et tout. Mais là, Alpine, ils sont 9e force du plateau. C'est-à-dire que même dans un week-end où tu as des équipes qui galèrent, eux galèrent encore plus. Et la seule équipe. On y reviendra après. La seule équipe qui ne battent pas, c'est celle qui n'apporte pas de package spécial pour Monza. Donc ça montre quand même la catastrophe de la voiture sur ce circuit. Non, là vraiment, il y avait absolument rien. Rien de correct pour Alpine. Et donc, du coup, bravo aux pilotes parce que ils ont quand même tout donné sur un week-end comme ça. Pas fait de conneries. Ça s'est bien bagarré hein, sur les quelques images furtives qu'on a pu voir comme Des chemin de croix, quoi. C'est le chemin de croix absolu. On dit Alpine, une équipe qui va faire un gros coup sur la saison avec de la pluie ou autre. Non, mais encore une fois, le pire, c'est que Zandvoort et Monaco sont même pas des coups uniquement dus à la chance parce qu'il pleut, machin. Ouais. Zandvoort un peu plus, mais à Monaco, il manque de mettre en pôle la voiture au con. Hein. Et paradoxalement, n'oublions pas que c'est que la troisième équipe cette saison à mettre ses deux pilotes sur le podium. Voilà. Enfin, quatrième. Ah, maintenant, il y en a eu 4, mais c'était la troisième à le faire. C'est ouais. ça qui est. Oui, Sainz marque son premier podium de la saison. Mais voilà, c'est le genre de truc où c'est terrible. Hein. Parce que on est vraiment dans cette situation où Alpine fait deux podiums alors qu'ils ont une saison moins bonne que l'an dernier. Mais en même temps, il y a quand même des petits flashs comme ça qui montrent que la voiture a un peu de potentiel. Ils font les podiums sur les circuits les plus lents et ils sont en 9e force sur les circuits les plus rapides. Je veux dire, il y a une certaine cohérence. Maintenant, il va falloir corriger les problèmes parce que tu ne peux pas espérer quoi que ce soit. Tu ne peux pas espérer mieux qu'une 6e place au championnat en ayant une voiture qui n'est juste pas là quand tu as une ligne droite d'un kilomètre et demi, en fait. Parce que c'était pas facile à Spa. Alors, Spa, ils font 3e au sprint, mais c'était plus circonstanciel qu'autre chose. Les qualifs ne sont pas bonnes quand même. Et pour autant, derrière les autres circuits rapides, il y avait quand même des lacunes. Et je pense que des circuits comme Mexico ou Las Vegas, ça va être catastrophique aussi. Donc, mais paradoxalement, c'est pas si con en soi de se concentrer sur les circuits faibles et moyennes vitesses, parce que des Monza, t'en as deux dans l'année, Monza et Spa, finalement. Tu vois, des circuits, peut-être que Vegas, ça va peut-être être un peu compliqué. Ouais, mais Baku et Vegas, c'est déjà aussi le cas. Baku, ils sont nulle part. Ouais. Certes, la voiture est en panne et tout, mais la voiture est pas bonne, je veux dire. Ouais, mais je me dis, par exemple... comment dire, vu la physionomie de la F1 avec maintenant 24, 25, 26, 27 courses tu vois, dans les prochaines années, oui. Tu peux limite te permettre d'en sacrifier quelques-unes, tu vois, bon, pour avoir. Pour Michael, une équipe comme Alpine ne peut pas justement se permettre ce genre d'idée de jeter des grands prix à la poubelle. C'est pas As ou AlphaTauri qui, ok, pour le coup, avec des moyens très limités, va mettre tout ce qu'elle a sur certains circuits parce que c'est là qu'elle peut marquer quelques points. Alpine, l'ambition, c'est quand même de jouer les podiums à terme. Là, être la 9e force du plateau avec une telle structure, une telle équipe et de tels pilotes, c'est une faute professionnelle. D'autres équipes ont souffert ce week-end. Mais Aston et McLaren jouent les points. Et c'est là qu'on aurait dû voir Alpine, en tout cas, ou proche. Ça ne devrait pas être en fond plombant comme ça, sous prétexte que ça ne convient pas à la voiture. Là, vraiment, ils ont touché le fond ce week-end. Et ils seront peut-être très bons dans 2 semaines à Singapour, ça n'empêche pas. Mais une équipe comme ça ne devrait pas du tout se permettre d'avoir des trous noirs comme ça. Ce n'est pas possible. Après, comment dire, ce qu'il faut aussi noter chez Alpine, c'est que les évolutions sont catastrophiques. Parce que les 7 premières courses de la saison, ils font 9 Q3 à E2. Les 7 courses suivantes, ils en font que 3. Donc, il y a un vrai problème d'évolution. La voiture a été bien plus performante en début de saison. Et au moment où ils font toutes leurs conneries opérationnelles, ils perdent des points à Bakou, ils en perdent à la Melbourne, ils en perdent, il y a des conneries de fait. Et au final, ça perd beaucoup de points quand ils ont l'opportunité d'en marquer. Et aujourd'hui, ils ont moins l'opportunité d'en marquer. Donc, c'est quand même c'est quand même un souci, quoi. Et même au niveau des points, je regardais ça tout à l'heure, je reprends juste après la parole, mais au final, sur les 5 dernières courses, ils marquent 26 points, ce qui n'est pas non plus, sur les 73, c'est pas non plus énorme, quoi. Et ça fait. C'est pas génial. C'est pas génial, quoi. Et Mickaël nous dit sur YouTube, Alpine peut-elle rechercher McLaren au championnat? Bah non. Enfin, pour moi, depuis que McLaren est passé devant, c'est une évidence. 42 points avec McLaren qui. McLaren a le niveau. Alpine n'est plus là, donc alors après on nous dit dans le chat, à Jeddah ils étaient pas si mal, oui mais dans Rota c'est pas pareil, parce que Jeddah c'est pas de la vitesse de pointe, Jeddah c'est des virages à vitesse rapide, donc il faut de l'appui pour justement avoir cette rapidité dans les courbes, donc c'est pas la même chose qu'à Monza. Pour te dire à quel point ils peuvent pas, sur les 7 dernières courses, Alpine marque 33 points, McLaren en marque 98. Non, ils ne reprendront pas, ça c'est fini, sauf si fin du monde sur un Grand Prix, ils font 1 et 2 et les McLaren abandonnent, mais ça c'est vraiment pas même possible. Même s'ils faisaient ça, il reviendrait tout juste à égalité, quoi. Oui, voilà. Ils prendraient un point d'avance. Et il faudrait que McLaren leur ait parmi quelques points d'avance sur les prochains Grands Prix d'ici le carnage, quoi. Donc si, évidemment, il y en a 50, on dit après pour un constructeur, ils ont encore les infrastructures de Lotus. Oui, mais les infrastructures de Lotus, 5 ans avant, ils gagnent un titre, hein, donc c'est bien beau de taper dessus, mais c'est pas Lotus qui a créé des infrastructures de merde. Entre guillemets, tu vois, tu peux pas dire. Ils ont des infrastructures qui étaient des infrastructures d'Enstone, qui était championne du monde à l'époque Renault. Enfin, à un moment donné, ils ont les moyens de les upgrader, ils ont les moyens de gérer tout ça, ils ont des équipes opérationnelles qui sont déjà faites. Et les upgrades ont déjà été faites. Donc, non, ça je trouve que quand t'es un constructeur, tu peux pas te. Un constructeur, je parle constructeur automobile en plus, hein, tu peux pas venir te plaindre sur le terrain des infrastructures. Parce que c'est un argument qui n'est pas recevable. Que McLaren nous dise, vous comprenez, on a une soufflerie qui est limite parce qu'eux ont failli déposer le bilan il y a 3 ans, oui, ça je peux le concevoir. Que Haas n'ait pas les moyens de faire une grande usine, oui. Mais Renault et Alpine n'ont pas le droit. Alors maintenant, c'est plus compliqué avec les budgets de plafond, les plafonds de budget de dépenses. Mais qu'à un moment donné, je lance un chiffre au pif, mais c'est con, mais Renault aurait même pu débloquer une enveloppe de 600 millions pour refaire Enstone de A à Z. Ils auraient pu le faire. Ils avaient c'est pas. En fait, la question, ils savaient très bien qu'il y avait un budget de cap qui allait arriver et qu'il allait concerner à la fois l'opérationnel et le structurel. Pourquoi ils n'ont pas investi, même avant le Covid? Parce que Covid, je comprends du tout, mais Renault, dès qu'ils rentrent en 2016 dans le projet, à ce moment-là, ils doivent rénover les deux équipes. Les deux usines, pardon. Mais je pense qu'ils l'ont. Ils sont rentrés sur la pointe des pieds en F1 en 2016 en disant Lotus ne peut plus, on a quand même envie de sauver Enstone, sauvons Enstone en les achetant pour un bal, et puis voilà. Mais... Et je maintiens que c'était le même problème qui poussait à Bitbull à faire des promesses non tenues, c'est parce qu'il avait la pression de Renault qui ne débloquait pas d'argent et voulait du résultat immédiat. Mmh. Et le moment où ils ont dit qu'ils n'auraient pas du résultat immédiat, tout le monde s'est foutu de leur gueule, alors que c'était probablement la chose la plus intelligente qu'ils aient racontée. Donc... C'était complètement vrai, il n'y avait pas de doute là-dessus. Messieurs, pour terminer, As. Alors, pour une fois, il y a des choses à dire sur As. Pas en piste où ce fut, mais alors vraiment, là, pour le coup, minable. Désolé d'employer ces mots, mais là, c'est... Ah bah là, oui. On parlait de toucher le fond. D'accord, mais là, il n'y a plus rien qui va. Hülkenberg, il est 10e au premier tour. Hein. Les deux finissent à un tour, 17e et 18e. Ils sont arrêtés et tout ça. Et Nico Hülkenberg a poussé une petite gueulante après le Grand Prix. Mais Hülkenberg se qualifie quand même 13e, bravo à lui. Ouais. Mais... Alors je voulais retrouver la gueulante de Hülkenberg pour vous donner des propos exacts, parce que c'est quand même plus drôle. C'est incroyable, quoi. Alors, Hülkenberg a dit « Nous sommes vraiment mauvais par rapport à la concurrence. Dès que les pneus ne sont pas neufs, il n'y a qu'un seul chemin, reculer. Les dernières améliorations n'ont rien apporté de mieux. De plus, nous étions la seule équipe à n'avoir rien apporté à Monza. Pas de package aérodynamique spécial, pas même une ailette sur l'aileron avant. » qui aurait été coupé par rapport à la semaine dernière. Quand on fait si peu, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Cette phrase est horrible. Pour être honnête, nous ne méritons pas de points et nous en sommes loin. Et la phrase, quand on fait si peu, on ne peut pas s'attendre à grand-chose, elle est terrible, surtout d'un pilote, à part d'un pilote qui vient de re-signer son contrat. Je pense que c'est un gros coup de pression que Hülkenberg met à Haas pour l'an prochain. Alors après, bon, la pression, de toute façon, Haas ne fera pas plus que ce qu'ils veulent faire, mais... Effectivement, ça montre qu'il y a quand même un gros souci dans la manière de fonctionner chez As. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il y ait des problèmes de différentes usines, il y a le fait que la voiture n'évolue pas ou pas assez, puisque effectivement, maintenant, ils sont au budget et la voiture devrait avoir plus qu'un package aéro, ou plus que, alors, cette année, ils ont plus qu'un package aéro, ils évoluent plus qu'avant. Mais ils ont l'air de ne pas être capables de développer des packages vraiment spécifiques pour certains circuits qui en ont besoin. Et c'est quand même un gros, gros problème. Donc, comme dit Xoan, soit qu'est-ce qu'ils font de l'argent, je ne sais pas, honnêtement. Oh, parce que c'est vrai que la voiture n'a pas beaucoup évolué. En fait, ils ont Monogram qui est là cette année, qui nous promet le machin. Alors, après, cette année, il y a une excuse pour le fait que la voiture n'évolue pas beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont tout leur développement qui passe dans régler le problème de grip et de motricité qui fait que les pneus aujourd'hui se détruisent. Ça, ils ont dit, s'ils n'arrivent pas à régler ce problème-là, ils ruineront aussi leur saison 2024. Donc, ils sont obligés, en fait, de tout passer là-dessus. Je pense qu'il y a énormément d'argent de développement qui passe là-dedans. Mais pour autant, la voiture n'évolue pas assez. De toute façon, ils sont très loin. C'est dommage parce que là aussi, dans la première partie de saison, il y a des belles fulgurances en qualif. Il ne faut pas oublier que Hülkenberg fait le deuxième tour au Canada, Magnussen le quatrième à Miami. Même plus récemment, d'ailleurs, je crois qu'il y a une Haas qui se qualifie pas mal. Ça va être Hülkenberg. Ah non, c'était en Autriche, ouais, donc non, pas vraiment. Et Magnussen non plus. En fait, non, c'est vrai que récemment, c'est pas terrible. Mais il y a eu quand même quelques fulgurances en début de saison. Mais effectivement, c'est. En course, c'est catastrophique et la voiture est de plus en plus lente, donc les écarts sont de plus en plus significatifs par rapport à la concurrence. Ouais, c'est... Je ne sais pas, Paul, toi qui en plus vis la situation de l'intérieur. Donc, Ouais, écoute, Manu a décortiqué ma déclaration, donc je ne vais pas en rajouter. Surtout que j'étais prolongé, donc on ne va quand même pas se fâcher. Mais... on ne va pas cracher dans la soupe. Voilà, c'est ça. Non, mais tout a été dit par Manu. Enfin, c'est... On les voit souffrir à tous les grands prix de la dégradation des pneus, mais là, c'était grotesque, c'était une caricature, quoi. C'était n'importe quoi, de dixième à la fin du premier tour à reléguer un tour. Dans la Formule 1 moderne, c'est quand même rare de voir une voiture se prendre un tour sur une distance complète d'un grand prix sans incident. Donc, c'est pas grand-chose de plus à dire. S'ils sont en perdition, j'espère pour eux qu'ils arriveront à régler les problèmes pour l'année prochaine. J'ai pas trop d'espoir pour leur fin de saison parce que je les vois pas capables de marquer des points dans ce contexte-là, mais au moins qu'ils puissent essayer d'avoir une voiture saine à développer pour l'année prochaine, ce serait déjà bien parce que à ce rythme-là, ils vont prendre beaucoup de retard et ils pourraient être la dernière force du plateau pour commencer 2024. Et vu leurs problèmes pour se développer chaque année, ça serait compliqué d'être une des plus mauvaises forces du plateau dès le début de l'année. Clairement, Nitram nous dit qu'ils avaient un aileron avant à Zandvoort pour régler en partie le problème des pneus, c'était pas concluant. Le problème de Zandvoort, c'est qu'il y a eu un relais en slick finalement pendant le Grand Prix. Donc est-ce qu'on sait, est-ce qu'on peut vraiment tirer des conclusions? Après, il y a eu les essais aussi, mais. Enfin, je comprends effectivement pas. Parce que, tu vois, on n'a pas de motricité, mais la motricité, c'est quelque chose de mécanique. Pour pouvoir ne pas user tes pneus arrière, c'est vraiment, tu peux pas. C'est pas ton aileron arrière qui va faire la charge sur tes pneus quand tu vas sortir d'une épingle. Donc, c'est vraiment mécanique le souci. Et c'est là que j'arrive pas à comprendre. Autant quand tu as un loup aérodynamique, c'est très compliqué de le gérer parce que tu te retrouves avec des choses qui sont toutes en interaction, machin. Mais le problème mécanique, ça doit venir peut-être, je sais pas, des suspensions, des amortisseurs. C'est quelque chose qui paraît en plus si simple à régler. Si simple, mais le problème, c'est que quand ton équipe fonctionne sur trois lieux différents, avec des suspensions empruntées à une autre équipe sur une voiture qu'ils ne construisent pas, puisqu'ils la développent, mais ils ne la construisent pas. C'est Ferrari, la suspension. Ferrari qui n'arrive pas à gérer ses pneus. Donc, voilà. Ils prennent tout de Ferrari, y compris les mauvais plans. C'est aussi pour ça qu'ils se traînent avec la Haas VF 19, 20, 21, les mêmes défauts que la Ferrari 2019. Et en plus de ça, ils ont donc les mêmes défauts, avec moins de capacité pour les résoudre, et une voiture qui ajoute ses propres défauts à ceux de Ferrari, en fait. C'est ça, le problème. Ouais. Donc, au final, il y a vraiment... C'est un peu le même problème chez Alfa Romeo aussi, qui a beaucoup d'éléments de Ferrari et qui en subit un peu les conséquences. Mais eux ont une équipe, une usine qui peut régler un peu plus ce problème. Mais Haas, en fait, ils ont un fonctionnement tellement à part. Alors, c'est vrai que ça marche bien, puisqu'ils font des bons résultats certaines saisons par rapport à ce que l'argent investit. Mais c'est vrai que ça vaudra jamais mieux... Ils reviendront même jamais actuellement avec le modèle de la F1 et je pense pas qu'ils reviendront au niveau qu'ils avaient en 2018. Ou alors, il faudrait vraiment qu'ils changent totalement la façon de fonctionner de l'équipe. Non, ça va être vraiment un long chemin de croix pour eux. On parlait du long chemin de croix d'Alpine lors de ce Grand Prix, bah, le problème c'est que Haas, ça va être toute la fin de saison. Donc, pour eux, ça va être extrêmement compliqué. Très, très clairement. Hop, hop, hop. Je ne sais plus, chers amis, si nous avions prévu. Il me semblait qu'on avait prévu de parler quelque chose à la fin de l'émission, mais je ne sais plus. La FIA qui a dit que toutes les équipes. Alors, le résultat de la saison 2022, maintenant que nous en sommes à la 14e course de 2023, est officialisé avec zéro équipe ayant dépassé le plafond budgétaire. Donc. De 2022, ce qui corrobore notamment le fait que chez Red Bull, c'était surtout des problèmes administratifs et que c'était et fiscaux, plus que un vrai dépassement. Voilà. C'était la cantoche. C'est certain. C'était la fin de la bamboche en 2022 à la cantoche, donc ça, c'est top. Bon, c'est je trouvais que Christian Horner a un peu perdu en bonne mine et je pense que. Ah, mais à un moment donné. Il mange des moins bons produits à la cantoche. Et cheeseburger, c'est une fois par mois maintenant. Donc, ouais, c'est sandwich triangle, c'est pas terrible. Ouais, et les Sodebo, donc non, c'est pas. Enfin, non, les Sodebo, c'est au début de l'année. Puis après, on leur a dit, les gars, on va dépasser, donc on va passer au sandwich Marc Repair. Compliqué. Compliqué pour Red Bull, très clairement. Il se dit d'ailleurs qu'entre Singapour et Abu Dhabi, ce sera des sandwichs éco-prix. Parce que. Ouais. Et les quatre dernières représentations, ce ne sera pas de sandwich du tout. Ce sera juste le jambon au milieu. Ce sera en roue libre totale sur ce qu'on aura acquis auparavant. Alors après, vous voyez, vous avez une espèce de levée de bouclier gigantesque pour en disant, oh, vous allez voir, il y a quatre équipes qui n'ont pas respecté, Mercedes, Red Bull, machin, oh là là là là. Finalement, est-ce qu'il ne vaut plus pas juste attendre la fin des calculs de la FIA, ça a été fait. Il n'y a pas de dépassement budgétaire. Et ça, c'est une. Ouais, vraiment, tant mieux. Tant mieux. Pas de polémique, au moins cette fois-ci, cette année. On parlera de ce qui se passe en piste, ça fait du bien. Alors, en tout cas, presque, on peut toujours dire, bien sûr, c'est. Il n'y a pas de dépassement avéré. Il n'y a pas de dépassement dans le cadre qu'a mis la FIA. Maintenant, vous savez qu'on parle toujours de toutes ces. Peut-être que oui, on engage. Oui, vous en faites pas, ils s'occupent d'un. En train de concevoir un jet ski pour Red Bull. Oui, un jet ski à Canelon avant, oui, alors c'est pour mieux passer sur l'autre. Enfin, il y a tous ces projets annexes, évidemment, où la FIA scrute de près, mais voilà, en tout cas, sur le périmètre réglementaire qui a été mis par la FIA cette année, et depuis 2021, personne n'a dépassé, donc coup dur pour les gens qui voulaient que Red Bull ait encore dépassé, histoire de dire, bah, vous voyez, on peut être champion qu'en dépassant la limite. Malade, du coup. Mais c'est bon, ils pourront dire, ah bah ça y est, ils vont enfin avoir un titre au mérite. Voilà, il était temps, hein, parce que bon, oh là là là, hein, 2010, 11, 12, 13, déjà que c'était pas mérité. Juste parce que je suis pas d'accord avec le résultat. 2021, ils trichent, machin. Donc, ouais, effectivement, voilà, c'était, on nous a posé la question tout à l'heure, en début d'émission, la FIA a donc confirmé que toutes les équipes étaient tout à fait dans les clous de ce point de vue là. Merci messieurs. 22h52, on fait vraiment de plus en plus long cette émission, c'est pour dire. Oui Paul. Je rajoute juste une chose parce qu'on l'a pas mentionné, bon c'était avant en marge du Grand Prix, mais Hamilton a quand même prolongé de 2 ans. Oui. Voilà, juste dire que personnellement je trouvais ça bien pour la F1, qui garde voilà, sa superstar et son meilleur ambassadeur, il faut lui reconnaître ça. Après voilà, c'est la fin d'un faux suspense, on se doutait qu'il restait, mais maintenant moi on connaît la durée. Il y avait la chimère, le rêve, est-ce qu'il va chez Ferrari, bon c'était un faux suspense pour moi, mais en tout cas maintenant au moins on n'en parlera plus et voilà, je trouve ça bien qu'il reste, ça montre qu'il a envie et puis que je pense que ça permet aussi à Mercedes d'avoir l'espoir avec probablement le meilleur duo du plateau, en tout cas le plus homogène, voilà, de pouvoir reconstruire et pourquoi pas se relever aussi à l'avenir avec de la stabilité. On l'espère effectivement, mais c'est bien. Ouais, Lewis Hamilton qui continue, Russell a aussi prolongé jusqu'en 2025, donc ce sera le même duo, on verra un petit peu ce que ça va donner. Alors, Alka a raison, un peu dur pour Russell de l'autre côté, parce que George Russell, il aura quel âge en 2026 27, il a 24 ou 25. Là, il a 25, donc ouais, en 2020, il aura 28 ans. Ouais, mais regarde, c'est potentiellement à 28 ans qu'Hamilton va enfin lui foutre la paix, tu vois, et qu'enfin Hamilton va lui laisser la place de numéro 1 chez Mercedes, place qu'il attend depuis longtemps maintenant. Et après, à voir comment la dynamique va évoluer entre eux aussi. C'est pas impossible que Russell prenne le pas sur Hamilton au bout d'un moment. C'est un risque, hein. C'est aussi, tu as raison de le souligner, Hamilton prend un risque qu'il faut souligner aussi, parce que en théorie, il ne va pas aller en s'améliorant avec les années qui passent. Bon, on voit qu'Alonso, pour l'instant, s'en sort bien, mais voilà, ça, c'est sûr que ça ne va pas aller en s'améliorant logiquement pour Hamilton. Donc c'est bien, en tout cas, c'est bien de voir qu'il est motivé. Et vraiment, je trouve ça bien pour la F1 qu'on ait un champion du monde comme ça sur la grille de départ pendant encore au moins 2 ans, parce que donc il sait jusqu'à quand ça peut être prolongé, tout ça. Mais en tout cas, voilà. Intéressant quand même de voir que c'est du relatif court terme, on va dire du moyen terme, voilà, et pas non plus un contrat de 4-5 ans, puisque Hamilton disait, hein, il y a peu qu'il se voyait encore 5 ans en Formule 1. C'est pour l'instant un contrat de 2 ans et c'est quand même intéressant, voilà, de parler de la durée. Peut-être voudra-t-il. Il attend de voir, je pense. Je sais plus si c'est Manu ou quelqu'un que j'avais vu évoquer ça, mais il attend de voir comment Mercedes se situe sur la nouvelle ère de 2026, les développements qui vont être apportés sur ce point-là en 2025. Et là, il pourra prendre une décision un peu plus mûrement réfléchie. Je pense que se lancer, tu vois, pour le début d'une nouvelle ère, voir ce que ça donne, ça peut être intéressant, mais uniquement si Mercedes semble faire du bon boulot. On verra en tout cas ce qui lancera. On dit Andretti qui change lui fait de nom bientôt la F1. Qui sait? Qui sait? Alors n'oublions pas que si la FIA donne son accord, ça doit ensuite passer par la F1 et les autres Oui. équipes. Donc ça se réglera sûrement avec un chèque à 9 chiffres. Sachez que ce qui va se faire, c'est la FIA qui va tweeter: Bienvenue Andretti! Andretti Global reçoit. La recommandation spéciale de la FIA pour rentrer dans le championnat du monde dès 2025, bravo à eux, super. Et la réponse de la FOM qui sera non. Non. Avec Andretti qui dit, mais quand même, vous êtes sûr? Andretti dit, mais c'est un scandale! Peut-être des perroquets, machin. La FOM qui dira, mais discutons, mettons-nous autour d'une table. La table qui sera composée des 10 patrons de l'équipe actuelle de F1 qui feront. Voilà. Donc La nous. table qui dira, voilà la facture. Voilà, la table, elle prendra une enveloppe qu'elle poussera vers Andretti. Andretti ouvrira en deux le bout de papier. Il mettra un autre nombre à la place, il fera glisser de nouveau l'enveloppe, et peut-être que du coup, eh bien, Andretti arrivera en formule. C'est à peu Et ils près feront comme ça que aussi ça ça se avec passe. Hightech, et le mec d'Hightech verra le chiffre et partira en courant. Hightech dira, eh ben, je ne savais pas qu'un chiffre pouvait être aussi haut. Merci, c'était sympa, au moins j'aurais appris quelque chose. À bientôt, on va gagner les titres en F2. Alors, cela dit, ils ont des investisseurs du. Je sais plus d'où, mais. Ça, c'est inquiétant quand on sait plus où. Tu sens que c'est les investisseurs qui vont être. Tu sais, ils vont arriver, ils vont dire, mais vous en faites pas, là vous avez l'argent. Puis qu'on va falloir les débourser en 2025 pour entrer sur la grille, ils seront plus là, les investisseurs. C'est des investisseurs qui ont fait fortune dans le métaverse. Dans le métaverse. Nouvel investisseur. Attends, je suis ton grenier là. Putain, il est où? Ah, Kazakh. Kazakh. Vladimir Kim. Eh ben déjà qu'il fasse un grand prix de moto comme c'est prévu, et puis on essaie d'investir dans les techs ensuite. Ah pardon, on a mal fait, pardon, avec le bout de papier, la réunion. Non, déjà ce qui se passera, donc, mec, Andretti se mettra sur une chaise, les 10 autres seront de l'autre côté, et 9 d'entre eux auront les yeux joints. Mais c'est les mêmes! Comment c'est possible de faire jumeaux avec Zac Brown? Mais en fait non, ce sera pas les mêmes. Peut-être que quand Andretti fera la contre-proposition, Zac Brown pourrait être le seul acceptant du genre de moi, j'ai pris 50 millions à tu dis, ah, si, arrêtez, c'est bon, il peut bien rentrer en F1 pour 850 millions au lieu d'un milliard, ça va. Oh. J'espère que s'ils acceptent Andretti et qu'Andretti arrive en 2026, on aura un jour une conférence de presse où Michael Andretti et Zac Brown iront avec le gilet de l'équipe adverse pour voir si les journalistes captent que c'est pas la même personne, que c'est pas la bonne personne. Tu vois, si on le met. Oui, bonjour, Michael Duforest, Racing Café, mais on va regarder que l'animateur de la conférence. J'ai une question pour Zac Brown. Bah, pourquoi vous ne regardez pas, à votre avis? Je ne sais pas où il est. J'ai trop peur de me tromper. Je ne sais pas qui est qui, j'ai, à ce moment précis, j'ai trop, trop peur de le demander. Ça pourrait effectivement être assez, assez savoureux. Merci beaucoup, Paul et Manu, en tout cas, c'était très sympa. Merci à tout le monde. De revenir sur ce Grand Prix d'Italie. Merci beaucoup, chat. Vous avez été très nombreux et c'est super chouette. On se retrouve alors exceptionnellement un lundi dans 2 semaines pour l'émission débrief du Grand Prix de Singapour. Mais sinon, on se retrouve aussi jeudi dans le Racing Café pour parler de nouveau de ce Grand Prix d'Italie, mais aussi des titres de champion d'Alex Palou en IndyCar, Grand Prix MotoGP où on a eu un petit miracle. Le souffle coupé à pas mal de reprises. Mais on remercie Yuki Tsunoda qui nous a permis de voir la fin du Grand Prix Moto. Et de basculer ensuite sur la Formule 1, donc ça c'était très sympa. Donc encore une longue émission qui s'annonce jeudi avec Team de Formula. On va parler F3 et F2 avec une analyse poussée pour une fois. Vous allez voir, c'est. On tente des nouvelles choses. Et normalement, c'est la partie d'émission où on gagne du temps, donc c'est un peu le problème. Ah oui, non, mais t'inquiète pas, on va... Normalement, c'est la partie qu'on dégage en 4 minutes pour gagner. Oui, mais Axel n'est pas là pour le MotoGP, donc voilà, on a trouvé... Ah bah voilà. On a trouvé ce qu'il en sera. Et comme le dit Louis, on ira mener notre enquête, évidemment, pour Charles Leclerc et l'Eurovision, et nous aurons des nouvelles un peu plus fraîches, bien sûr, dans le Racing Café de jeudi. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt, ciao, ciao. Merci d'avoir été. Ciao.